Ici, tout le monde est fou. Alors qu'il n'est même pas grilleur, les slick tueuses Anne-Cécile Daguef et Agatha Liévin-Bazin nous rendent tout flivoreux comme des borogoves. Préparez-vous à girer et vribler comme jamais et glouffez-vous de joie car nous allons bournifler Alice au Pays des Sciences. Vous avez barigoulé en ce frumieux mercredi 16 février 2022, l'épisode 468 de Podcast Science. Bienvenue! Et ce soir, petit tour de table virtuel, nous avons tout d'abord Cléora, notre expert en psychologie, qui nous parle depuis la Normandie. Salut à tous. Ensuite, de loin, nous avons Alexa, notre Batwoman depuis Los Angeles. Salut tout le monde. Et Léa, notre grande prêtresse des plantes depuis Strasbourg. Bonsoir. À la technique, notre Alsacien Pascal. Salut tout le monde. Et nous avons le plaisir d'accueillir, comme je l'annonçais dans mon introduction, ressemblant au poème Le Jabberwocky de Lewis Carroll, deux autrices ayant publié un livre aux éditions Belin intitulé Alice au Pays des Sciences. La première, vous la connaissez bien, si vous suivez Podcast Science, puisqu'elle est venue prêter sa voix lors des épisodes 303 et 320 sur l'éthologie, et son coup de crayon pour l'émission radio-dessinée numéro 376 « Les plantes ne comptent pas pour des prunes », Agatha Liévin-Bazin, depuis Toulouse. Et bonsoir. Et la seconde est ingénieure agronome, docteur en comportement animal et médiatrice scientifique au Muséum de Toulouse, ville depuis laquelle elle nous parle, Anne-Cécile Daguef. Bonsoir. Et pour finir, moi-même, Topo, votre humble serviteur, aussi fou qu'un chapelier ou un lièvre de Mars depuis Paris, à moins que ce ne soit le pays des merveilles. Alors, en guise d'introduction, j'aimerais bien qu'on parle de deux genèses. Tout d'abord, celle de votre projet de livre, et puis ensuite, celle des deux ouvrages de Lewis Carroll, « Les aventures d'Alice au Pays des Merveilles » et « De l'autre côté du miroir ». Je pense qu'on découvrira tous les deux qu'il s'agit d'histoires assez alambiquées et où le hasard et la sérendipité vont bon train. Je sais mieux prononcer du jabberwocky qu'un mot en français, c'est terrible. Sérendipité, il est trop dur, hein. Moi je l'utilise jamais, je n'arrive pas non plus. Donc voilà, pour votre projet, j'ai compris que le point de départ, c'est un lieu qui compte beaucoup pour Podcast Science, puisqu'il s'agit de l'Eurécafé, dont l'un des cofondateurs, Arnold Oswald, était venu nous parler de la méthode scientifique dans l'émission 297. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce lieu et de la raison pour laquelle il a cristallisé le projet de votre ouvrage ? Eh bien, tu veux que je commence, Anne-Cécile, hein ? Je ne veux pas couper l'herbe sous le pied. ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est retrouvés toutes les deux à Toulouse. Et en fait, on s'est rencontrés, alors je ne veux pas dire de bêtises, mais ça devait être été 2018. 18, un truc comme ça, lors d'une soirée qui était organisée par l'assaut des Petits Débrouillards qui avait lieu à l'Eurécafé. Et ce qui est assez incroyable, c'est que c'était sur les mal-aimés. Donc il y avait une asso qui parlait des ours, il y avait des gens d'Ad Naturam qui font aussi partie de la merveilleuse association du Café des Sciences qui venait parler de serpents. Et moi, je parlais inlassablement de corbeaux. Et bim bam boum, Anne-Cécile est venue. Elle a parlé de corbeaux, on s'est très bien entendu. Et donc c'était à l'Eurécafé. Et ensuite, Anne-Cécile m'a proposé un projet qu'on appellera plus tard les Désenchantés. D'accord. Et donc, en gros, c'est quoi les soirées Désenchantées, Anne-Cécile ? En fait, j'étais un peu partie du concept de ma relecture naturaliste, ou du moins de ma vision naturaliste, ou de ma vision curieuse de tout ce que je regarde. Mmh. Et du coup, j'avais une grosse interrogation, mais genre l'interrogation métaphysique de ma vie, c'était est-ce que Simba pouvait survivre en mangeant des larves ? Ou est-ce qu'il n'aurait pas boulotté directement Timon et Pumba ? Voilà, ça fait quelques années que j'avais cette question. Et du coup, je me suis dit, ça se trouve, ça peut être intéressant, c'est un bon prétexte pour parler un peu de Lyon, pour parler de plein de choses, en fait. Et du coup, on pourrait faire une conférence où on prend un Disney, puis on explique comment ça se passe dans la réalité. Et je suis arrivée à l'Eurécafé, et il y a, ce devait être Arnold ou Samuel qui m'a dit, mais attends, Agatha, elle a fait des choses sur les lions et tout, vous pourriez peut-être vous entendre. Et voilà, ça a commencé comme ça, et on s'est dit, on va faire une conférence où on va reprendre un Disney, et on va expliquer, voilà, Désenchanté, si on enlève la magie, qu'est-ce qui se passerait dans la réalité. Donc si vous voulez la réponse à la question, Simba aurait mangé Timon et Pumba très rapidement, genre au bout de 24 heures. Et en plus de la conférence, on s'est amusé à avoir des petits amuse-gueules aussi, on était à l'Eurécafé, donc tant qu'à faire. Je connaissais un traiteur qui nous a fait à chaque fois des petites choses. Alors quand c'était l'Afrique, des plats africains, on avait du jus de baobab, des petites choses à manger. Nemo, vous avez mangé des larves du coup ou pas? On n'a pas mangé de larves, on aurait pu, mais on n'avait pas. Dommage. En effet, on en a fait 3 et à chaque fois, du coup, et ça, je dois souligner, c'était super l'idée du buffet thématique. Des fois, on a un peu galéré. Hein. Je me souviens que le carcadet, le jus de baobab, pour en trouver, on a galéré. Mais et du coup, donc le roi lion. Ensuite, on avait fait donc le monde de Nemo. Pareil, ça pour le coup, niveau bestioles, écologie, il y a des centaines de choses à dire. Et puis on avait fini avec le troisième, où c'était un vote du public, parce qu'on avait mis une petite affiche dans le récafé, et les gens devaient choisir quel film ils voulaient pour le suivant. Je crois qu'on leur avait proposé Mille et une pattes, Le livre de la jungle, Alice, et genre les Aristochats, je sais plus, et c'est Alice qui avait remporté les votes. Voilà. Ah bah d'accord. Ok. Voilà, et on s'est, et en fait, ce qui était chouette avec ces soirées, bon, outre le fait que nous on a quand même bien kiffé, hein, il faut le dire, ce qui était assez chouette, c'est que les gens qui sont venus étaient pas forcément des habitués de l'Eurécafé, des gens qui sont plutôt intéressés par les sciences, donc c'était aussi des gens qui avaient juste vu une affiche film Disney et qui s'étaient dit, bah chouette, je vais venir, donc on était contente de se dire qu'on avait peut-être touché un public pas forcément fanat de sciences au départ, et on s'est dit, pourquoi ne pas le proposer un éditeur. Et voilà. Ah oui, très bien. Ah bah tiens, en parlant de toucher des publics différents, j'ai vu que vous évoquiez le fait que le livre de Lewis Carroll a eu plusieurs adaptations, notamment des adaptations cinématographiques. Et je voulais savoir si vous avez bien fait vos devoirs et visionné l'intégralité de ces films. Et notamment, vous mentionnez qu'il y en a une en film porno. Musical, oui. Musical, en plus. Porno musical. Alors, je ne sais pas, Cécile, si toi tu as tout regardé. Moi, j'ai quand même poussé à curiosité parce que, sachez-le, la bande-annonce du film porno musical est sur YouTube. Donc voilà. Merci de nous fournir le lien pour qu'on puisse les mettre dûment dans les notes de l'émission. Donc voilà, moi j'ai regardé la bande-annonce qui reste tout public, mais je ne suis pas allée plus loin dans la démarche. Voilà. J'ai fait pareil. Ouais, mais c'est drôle. Hein. Bah, porno musical, quand même, c'était rigolo, quoi. Ça titille la curiosité. Ouais. Non, mais on a quand même regardé... Pareil, dans les films qu'on peut vous donner, dans l'intro, on parle de celui de 1903, qui est un des tout premiers films, d'ailleurs, muet, et qui est une adaptation d'Alice. Et on peut la trouver aussi, parce que c'est des archives nationales qui ont été numérisées, etc. Et pareil, elles sont sur YouTube. Et pareil, c'est rigolo, on voit un gros chat avec des effets un peu à la Méliès, où il y a une tête de chat qui sort d'un buisson et tout. Il y a les premiers effets de cinéma. Et c'est assez rigolo, donc on a regardé 2-3 trucs comme ça par curiosité. Il y a des choses marrantes. Vous avez aussi la mini-série Alice, un peu en mode science-fiction, qui se passe dans un espèce de futur où la reine de cœur a un casino. Enfin, c'est assez marrant. Je vous la conseille aussi. C'est deux épisodes, enfin, c'est une mini-mini-série, 2 épisodes. Elle est sur Sci-Fi, si je le prononce bien. Voilà, on la trouve sur YouTube. Moi, je l'ai vu sur YouTube. Bon, quand même, vous avez cherché pas mal de sources. Hein. C'est pas peu rien. Il n'y a pas une adaptation coréenne trash en mode Battle Royale aussi sur Netflix? Il y a un truc un peu axé psycho aussi, non? Je crois qu'on en avait discuté toutes les deux à un moment donné et on s'est dit, ouais, c'est quand même très éloigné du bouquin, donc on s'était pas attardé dessus. Non, c'était pas celle-ci, je confonds. Mais il y a un film asiatique sur, mais c'est pas Beyond Wonderland ou un truc comme ça. Enfin, c'est Alice in Borderland, j'ai retrouvé. Ah voilà, c'est ça, ouais. Ouais. Et ben on l'avait évoqué et puis on s'est dit, ouais, c'est trop éloigné, on n'est pas. Mais bon, après, ce qui est compliqué, c'est que des fois il y a des allusions à Alice dans des trucs qui ne sont pas estampillés Alice, genre Matrix par exemple. Ouais. Donc des fois il y a des trucs pop culture comme ça qui ressortent et qu'on a découvert un peu sur le tard, mais non, c'est vrai que c'est, moi j'ai découvert en faisant les recherches, c'est vrai que il y a des trucs sur Alice vraiment dans énormément d'œuvres cinématographiques, littéraires et autres, hein. Donc il y en a plein qu'on n'a pas vu passer. D'ailleurs, à ce propos, de surprise, en faisant des recherches sur le sujet, et avant de rentrer dans le vif justement du sujet et décortiquer les romans de Lewis Carroll, à travers un regard scientifique. Moi, j'aurais aimé qu'on évoque un tout petit peu, en quelques mots, l'homme derrière ces deux œuvres fantasques et la raison qui l'ont poussé à les écrire. Tu veux te lancer ou tu veux que je raconte? Comme tu veux, n'importe. Comme tu le sens. Bon, allez, je peux commencer si tu veux, si t'es inspiré. Non, mais moi, pareil, hein, j'ai aussi découvert en faisant des recherches, parce que c'est vrai que, du coup, Lewis Carroll, qui est son nom de plume, son vrai nom de la vraie vie, c'était Charles Ludwig de Dodgson. Et ce monsieur était mathématicien au Christ Church College à Oxford, si je dis pas de bêtises. Et il avait une vie purement victorienne. Quand on lit un petit peu les bouquins, c'était, il avait fait tout comme on faisait toujours à cette époque-là. Son père était pasteur, il était issu d'une famille assez nombreuse. Il avait été envoyé dès ses 12-13 ans en pension. Et ensuite, genre à 17-18 ans, il a été envoyé dans le collège où il est devenu professeur et où il a passé toute sa vie. Et il avait une vie comme ça qui peut paraître un peu austère. En plus, à l'époque, quand on était enseignant, on était plus ou moins rattaché à l'église, il était diacre, même si... Alors ça, j'ai pas eu de certitude, mais je crois qu'il pouvait quand même, s'il le souhaitait, se marier, mais lui, il n'a jamais été marié. Mais en même temps, donc il y a ce côté quand même très professoral, un peu austère, qui se dit, ouais, en fait, ce mec-là était quand même un petit peu rasoir, et en fait... à côté de ça, on voit que depuis qu'il est tout jeune, avec ses frères et sœurs avec qui apparemment il vivait sa meilleure vie, il créait des journaux qui s'appelaient Mismatch, dans lesquels il écrivait déjà plein de jeux de mots. C'était un peu quand même celui qui créait des jeux avec ses frères et sœurs, qui était très inventif. Dans la vie privée, apparemment, c'était quand même un homme très cultivé qui adorait aller aux expos, qui adorait aller au théâtre, qui allait régulièrement à Londres. Donc et en fait voilà, il a cette inventivité débridée qui se révèle surtout quand il passe du temps avec la vraie Alice Liddell et ses sœurs. Et il y a cette fameuse après-midi, tu veux peut-être raconter l'après-midi doré Ouais, donc apparemment il pleuvait en fait. En plus. Il y a eu une vraie Alice, ouais. C'est ça. Donc, il y a eu une vraie Alice. D'accord. Oui, il était devenu très ami avec les enfants du doyen de Christchurch, donc quand même d'accord. Une famille de la bonne société, on va dire. Et surtout avec les trois filles, donc il y avait la plus grande, c'était Edith. C'est Edith. Edith, ouais, c'est Edith. Ça, ouais. Après il y avait Alice et ensuite Lorina. Et il avait une passion pour la photographie, je pense qu'on y reviendra peut-être, mais et il aimait bien les prendre en photo parce qu'ils avaient un garçon plus âgé, mais ils s'entendaient un peu moins bien avec lui. Et en fait, il les amenait beaucoup en sortie et notamment faire des promenades en barque. Alors, il y a un poème qui s'appelle L'après-midi doré, mais apparemment, ils ont fait des simulations du temps le 4 juillet. C'était un 4 juillet, 1862, pour être hyper précis. Apparemment, il pleuvait un petit peu. Donc, il était en barque avec son ami... Duckworth. Voilà, avec un ami. Et en fait, pendant la promenade, les petites s'ennuyaient, donc il leur a raconté une histoire complètement folle qu'il a inventée au fur et à mesure. Et apparemment, dans cette histoire, il mettait beaucoup de références à leur vie en commun, aux gens qu'il connaissait à Oxford et tout. Et en fait, après, Alice lui a dit, mais cette histoire est super, s'il te plaît, offre-la moi. Et elle lui a demandé, et en fait, il lui a couché sur papier et il lui a offert pour Noël, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. 2 ans plus tard, en fait, en 1864, quand Alice avait 12 ans. Et donc, cette première version, c'était pas exactement le même titre, c'est ça? Non, c'était Les Aventures d'Alice sous terre. Il y avait d'accord. Un peu moins de chapitres qu'il a rajouté, dont la fameuse Tea Party s'était rajoutée après. Et il a fait des dessins aussi. Donc lui-même a dessiné, c'est assez sympa, on peut voir il a tout illustré, ouais. C'est assez impressionnant. Moi ça je l'ai découvert en écrivant le bouquin, je savais pas du tout qu'il dessinait, et il a tout écrit à la main, du coup c'était quand même un beau cadeau quoi, hein. Ah oui, et d'ailleurs ça pose la question, vous avez dit qu'il était photographe, et moi j'étais très surpris d'un des passages qui est dans votre livre, sur les photos qu'il prenait. Donc on a une photo qu'on a mis dans la chatroom et qu'on mettra dans les notes de l'émission de la fameuse Alice, qui est un très joli portrait, mais visiblement il faisait pas que ça comme photo avec les enfants, alors c'est dit et ensuite on passe à autre chose en deux phrases dans votre livre, mais vous ça vous a fait quoi d'apprendre justement qu'il faisait pas que des photos des enfants habillés? Bah en fait, moi, j'ai lu quand même pas mal de choses parce que c'est vrai que je voulais être la plus objective possible. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec notre regard moderne, on se dit un homme adulte célibataire qui fait des photos de petites filles nues, c'est quand même très étrange. Et j'ai vraiment essayé de me documenter. J'ai lu pas mal de trucs d'universitaires, notamment, je peux vous renvoyer aux travaux de Hugues Le Bailly, qui a étudié très en détail les carnets, parce qu'il a tenu un journal intime. Pendant des années, pendant 30 ans, il a écrit tous les jours dans ses carnets, donc notre Charles Ludwig Dodgson. Et après, je ne l'ai jamais connu, cet homme, donc je ne peux pas certifier que ce que j'affirme là est vrai. Mais quand on remet un petit peu dans le contexte, il y avait vraiment à cette époque, mais chez plein d'autres gens de son temps, une fascination pour l'enfant à l'époque victorienne. Mais que ce soit des petites filles, des petits garçons, il y a vraiment cette idée de pureté, et c'est vrai que nous, ça nous paraîtrait extrêmement chelou, c'est que, genre, pour se souhaiter la bonne année, ils s'envoient des photos d'enfants nus, mais tout le monde trouve ça vraiment normal, quoi. Il y a vraiment cette fascination, et par exemple, on retrouve ça aussi chez Barry, l'auteur de Peter Pan, qui a d'ailleurs tout ce délire avec l'enfant éternel, etc. C'était vraiment un truc très ancré dans la société victorienne. Et voilà, donc quand on se dit « Oh là là, Lewis Carroll, il faisait des photos de petites filles nues, c'était vraiment sans doute un pervers pédophile », voilà, je peux pas l'assurer à 100% puisque je ne l'ai pas côtoyé, que je ne peux pas avoir une version objective, mais quand on fouille un petit peu, quand on regarde les données de l'époque, ce que faisaient les contemporains et comment c'était vu, je pense vraiment qu'il avait une fascination pour l'enfance, hein, clairement. D'ailleurs, il a entretenu plein d'amitiés avec des enfants. C'est assez drôle, hein, parce qu'il allait au théâtre et souvent dans ses carnets, il soulignait le jeu d'acteur d'enfants entre 7 et 12 ans et souvent, en fait, il sympathisait avec eux. Et il avait une longue correspondance avec eux. Alors moi, ce que je trouve aussi, entre guillemets, rassurant, c'est que quand il y avait ces séances de pose et de photographie, on est à l'époque victorienne, hein, à partir des enfants, ils n'étaient pas laissés sans chaperon. C'est pour ça aussi que lui, quand il se baladait en barque, il y avait souvent d'autres adultes avec les enfants, donc il n'était jamais laissé seul avec elle. Et il fallait l'autorisation des parents pour que ça se fasse. Donc je pense que c'est moins creepy, gore, louche que ce que nous, on verrait aujourd'hui. Et il faut aussi un petit peu nuancer dans le sens où il a aussi fait énormément de portraits de gens adultes, ses amis, ses collègues, et d'ailleurs c'est un des, moi ça je l'ai appris aussi en faisant les recherches, c'est un pionnier de la photographie en fait, Lewis Carroll. Enfin, c'est à l'époque où il a commencé à s'y mettre, c'était vraiment la dernière nouveauté et il est vraiment un des premiers à avoir fait des portraits photographiques de son époque. Donc, ouais, moi, je serais plutôt tendance à dire que notre société est très différente de la société victorienne, sans être, voilà, absolument 100% sûr qu'il n'avait pas d'idées étranges, mais bon. Et il faut aussi dire qu'il avait, alors ça n'excuse rien, hein, loin de là, mais il avait vraiment la morale victorienne chevillée au corps, quand on disait que c'était quelqu'un d'austère, etc. Parce qu'il y a eu quelques histoires, et il faut le dire, dans les, je fais court, hein, parce que je papote, je peux parler des heures là-dessus, mais dans ces carnets, en fait, il y a des bouts de ces carnets qui ont disparu. Et ce qui fait que les scientifiques qui l'ont évoqué se sont fait plein de choses, surtout au moment où sa relation avec les Liddell et notamment Alice se sont un petit peu éloignées. Et en fait, ça, c'est sa nièce, je crois, qui les a fait disparaître après sa mort. Donc du coup, on se dit « Ouh là là, qu'est-ce qu'il y avait dans ces carnets qu'on a fait disparaître ?» Il y a beaucoup de gens qui se sont dit, il a demandé Alice en mariage. C'est pour ça que le père l'a jarté de la famille. Et en fait, sans doute que non, parce qu'en fait, Alice, il l'a recôtoyée. Il a pris une photo d'elle quand elle avait 18 ans, donc il se voyait toujours. Mais, et puis, en fait, ça semble totalement improbable pour nous aujourd'hui que lui, qui n'était que simple professeur de mathématiques, aille demander sa main à une fille qui était issue de l'aristocratie. Enfin, c'est des choses qui se faisaient, mais pas du tout, quoi. Chacun était de sa classe, on n'allait pas se mélanger comme ça, et jamais, au grand jamais, je pense qu'il aurait été mortifié de honte qu'on puisse penser qu'il s'estimait plus qu'il n'était, quoi. Je sais pas si je suis très claire, mais voilà. Non, mais si, je pense que bah, ça transparaît aussi dans certaines œuvres des pièces victoriennes, etc., mais qui remontent même depuis longtemps, même depuis Shakespeare. Donc. Mais je pense que nous digressons et nous nous éloignons progressivement de la science, et je ne suis pas le seul à avoir lu Alice au Pays des Sciences parmi les membres du podcast Science, et donc je vais laisser Cléora nous parler un tout petit peu des questions que votre ouvrage lui a inspiré. Oui, bah déjà moi la première question c'est le titre. Bateau. Pourquoi Alice au pays des sciences ? Parce que, en plus, vu vos spécialités respectives, est-ce qu'on doit s'attendre en fait à retrouver surtout des sciences naturelles, donc de la bio, zoologie, botanique, etc. Ou est-ce que aussi vous êtes aventuré, donc on a parlé un peu de l'histoire aussi de Lewis Carroll, etc. Où il y a autre chose en science à l'intérieur du bouquin. On n'a pas eu le choix pour le titre. Moi, je l'aime pas. Moi, j'ai demandé à l'éditrice, oui, parce que c'est pas. Enfin, pour moi, c'est plus. Je sais pas. Enfin, c'est plus nous qui allons nous balader au pays des merveilles et puis on raconte ce qu'on voit par rapport à ce qu'on a chez nous. On n'a pas eu le choix. C'était un choix de l'éditeur, ouais. Donc. Ouais, ça, on était plus parti, alors c'était plus long et sans doute moins vendeur sur pérégrination naturaliste au pays des merveilles, un truc comme ça. Je sais plus ce qu'on avait d'autres comme alternative, on en avait plusieurs. Pérégrination naturaliste au pays des merveilles et c'était. On en avait un autre, je crois, avec Alice dedans quand même, parce que ouais, ça faisait partie du cahier des chartes. Mais il y avait eu de l'autre côté du miroir aussi, ou ouais. Ce côté-ci du miroir, enfin je sais plus, mais voilà, il y avait des jeux de mots comme ça. On avait tenté d'autres alternatives, ouais. Et puis voilà, Alice au pays des sciences, c'est celui, je pense, qui reprenait le plus le titre de l'ouvrage de référence, et ça devait plus interpeller le public. En tout cas, on espère que ça fonctionne. Mais c'était pas notre premier choix. Ok. Et sur les sciences que vous avez abordées, du coup, est-ce que on n'y trouve que de la botanique et des sciences naturelles, la zoologie, de l'éthologie, ou est-ce qu'il y a autre chose? Il y a un petit peu d'histoire pour replacer les choses dans leur contexte historique. Mais vraiment, on a effleuré la surface, hein, parce que moi, je ne suis pas historienne de formation, Agatha non plus. Donc, on est amatrice, on va dire. Et on a, puis juste on a surtout, ouais, on a surtout ajouté. Moi, personnellement, j'ai vraiment ajouté les choses que j'ai découvertes, en fait. Par exemple, tout ce qu'on a raconté sur Lewis Carroll, je l'ai vraiment appris en faisant les recherches. Et je me suis dit, c'est quand même cool de savoir qu'il était photographe, d'avoir le contexte. Pour aussi expliquer le succès de l'œuvre, parce que Alice au Pays des Merveilles, ça a été un hit retentissant qui a été rarement égalé, et c'est bien de remettre un peu dans le contexte. Mais on n'a pas été beaucoup plus loin, c'était vraiment pour un peu pour que les néophytes comme nous aient un peu d'éléments, je pense, pour aller avec, quoi. Parsemé dans le bouquin qui permet de donner un rythme, je trouvais, au lieu de faire un listing de tous les animaux, toutes les plantes, je trouvais ça bien. Mais en plus de l'histoire, on a un peu de la linguistique aussi, parce qu'il y a beaucoup de jeux de mots, des trucs comme ça aussi. Oui, ça c'était important de les expliquer aussi pour qu'on comprenne mieux l'œuvre quelque part. Moi, ça c'est vraiment, j'en parle souvent, mais les papillons tartines de beurre. Parce que quand j'étais petite, je voyais Alice, je voyais ces papillons tartines de beurre. C'est rigolo, c'est Wonderland. Après, j'ai lu le livre, puis ça parle pas de papillons tartines de beurre quand on le lit en français. Et du coup, là, en travaillant sur les deux versions et avec un niveau d'anglais un peu meilleur, donc j'ai pu lire en anglais. Et là, je me suis dit, mais oui, mais c'est bien sûr, ils sont là, quoi, les bread and butterfly, et c'est génial. Enfin, ouais. Le jeu de mots est parfait, quoi. C'est. Voilà, et c'est vrai que quand on voit que le dessin animé de Disney, ce qui était moi ma première source d'entrée, comme toi, Anne-Cécile, on comprend pas, quoi. Enfin. Eh bien. Non, mais c'est clair. Tu avais fait d'autres, tu avais d'autres remarques, Cléora, sur justement les autres choses, les autres incursions dans les sciences humaines dans Alice au pays des sciences. Ouais, j'ai noté aussi un peu d'histoire dans la symbolique, où le lion contre la licorne, par exemple. Donc c'est aussi pas mal d'histoire et de symbolisme que j'ai trouvé pas mal aussi. Mais ça, c'était aussi important de l'expliquer parce que nous, Français, on ne connaît pas forcément l'histoire du blason anglais, etc. Ouais. Donc, un lion qui se bat contre une licorne, pourquoi pas, hein, mais... Et du coup, quand on explique un petit peu, ça permet vraiment de mieux comprendre pourquoi est-ce qu'il a choisi ces images-là et pourquoi on a ces deux animaux qui sont là à se battre, quoi. Enfin, voilà, c'est pas au hasard, au final. Je propose qu'on s'intéresse maintenant véritablement au livre, qui est découpé en deux parties. Il y en a une première qui c'est Bestiaire fantastique et fantasmé, et l'autre qui est Tea Party au pays des merveilles. Et moi, la première chose que je me suis demandé, c'est s'il y avait une logique derrière ce découpage. Est-ce que c'est une division animale versus végétale ou autre chose? À la base, on avait fait trois ouais. parties distinctes. D'ailleurs, j'ai du mal à me souvenir comment on l'avait dispatché. C'était la folie, le premier. Ouais, c'est ça. Ouais. Ensuite, la partie animaux et ensuite la partie vraiment thé, fleurs, ouais. Où il y avait cette thématique. Donc, il y a vraiment folie, animaux, plantes. D'accord. On avait aussi un petit peu essayé de respecter la chronologie des événements au début, sur comment elle rencontre. Et puis ensuite, on s'est rendu compte que d'un point de vue thématique, en tout cas, par exemple, moi, la partie bestiaire... on s'est rendu compte que juste rencontrer les animaux, c'était, ça n'avait vraiment pas beaucoup de sens, parce que c'est le bazar dans l'histoire, parce qu'elle va d'une rencontre à une autre, des fois sans qu'il y ait de logique. Et on l'a fait un petit peu par thématique géographique. Par exemple, on a regroupé des animaux aquatiques entre eux. Par exemple, oui. Le dodo qu'elle rencontre au début du premier livre et les morses, les huîtres qui sont dans le deuxième. Parce qu'on s'était dit, bon, ça reste cohérent, ces animaux aquatiques. Et puis, c'était le côté un peu balade, parce qu'on avait construit la conférence en mode vraiment balade. On avait suivi, nous, la chronologie du film Disney, quand on l'avait construit. Et là, ouais, c'était un mélange de thématiques, chronologie, voilà. D'accord, d'accord. Très bien. Eh ben, il y a Eléa qui, je pense... Oui, non, j'ai été personnellement fascinée par la quantité de pages que vous avez consacrées aux huîtres. Pour tout te dire, j'ai écrit à un éditeur qui a fait un livre que sur les huîtres. Et je lui ai dit, il n'existe dans aucune médiathèque, s'il vous plaît, est-ce que vous voulez, vous pouvez m'en envoyer un SP. Et les huîtres, ça réveille la police. Et du coup... Voilà. Et du coup, oui, il y a un livre entier qui existe sur les huîtres. Et bon, alors après, moi, j'ai utilisé que la partie un peu naturaliste sur comment la petite bête vit et pas toute la façon dont on peut les manger. Mais oui, en fait, il y a des gens qui ont consacré leur vie à l'huître et je pense qu'il faut les saluer. Merci. C'est un grand moment de lecture, en tout cas, toute cette partie sur les huîtres. J'ignorais tout ça. Ah ben pareil, c'est pour ça que moi ça m'a fascinée, parce que en fait je m'étais jamais posé de questions, et quand tu creuses tu te dis waouh, mais en fait ça a un comportement super intéressant les huîtres. Ouais. Alors on n'en parlera pas dans pas parmi les questions de qu'on a sélectionné pour pas tout déflorer dans ce texte, mais les huîtres en effet ça fait partie des passages où vraiment moi j'ai été généralement, quand j'ai des livres de vulgarisation, je m'attends à avoir un tout petit peu, la plupart des informations que je connais. Et là, les trois quarts, je connaissais pas. Donc, j'étais là, ah ouais, quand même. Donc, belle recherche et belles inspirations. Et donc, il y a une de ces parties que je connaissais bien. Et du coup, j'étais assez content que ça y apparaisse. Donc, la première partie du livre, elle est consacrée à la faune imaginaire ou réelle dans les livres de Carole. Et aussi d'autres phénomènes les concernant, comme la métamorphose. Et à ce propos, vous évoquez celle concernant divers animaux, et notamment ceux-ci, dont vous allez peut-être reconnaître le chant. Pascal, si tu as la technique, est-ce que tu peux nous le diffuser ? C'est un peu creepy, on dirait comme les policiers dans ma rue. Un peu ça. Ça ne ressemble pas du tout à l'image qu'il y a dans le chatroom. Alors, Anne-Cécile, Agatha, est-ce que vous avez reconnu l'animal qui produit ce son ? Il y a un animal sirène de pompier dans le jardin de Lewis Carroll. Dans les animaux qui se métamorphosent et qui font du bruit, il me semble, parce que voilà, je suis plus absolument certaine, mais ça serait les cigales qui font ce bruit-là. Tout à fait, et plus particulièrement une espèce de cigale importante que vous évoquez, et dont j'aimerais bien d'ailleurs que vous racontiez un tout petit peu des histoires pour pas de questions, s'il vous plaît. Tout à fait. C'était aussi un peu un hasard, parce que toute la partie insectes, c'est principalement Anne-Cécile qui l'a écrite. Moi, j'ai écrit la partie géométrie variable et celle-ci sur ces fameuses cigales. En fait, c'est aussi un peu un coup de hasard, c'est qu'on a écrit ce livre en 2021, principalement l'été 2021, et en fait... il s'est passé un truc de fou en 2021. En avril-mai, il y a eu l'émergence de Brood X, qui était alors les Américains appellent ça Brood, je sais pas trop comment, par niché, par floppé, je sais pas comment on Brood, peut traduire. Brood, c'est essaim, moi je dirais essaim, un essaim. Et en fait, j'ai aussi découvert ça grâce à Twitter, parce que vive Twitter. Et en fait, il y avait plein de comptes d'actualité naturaliste que je suivais, d'entomologistes, qui disaient « ça y est, les cigales sont sorties !» Et j'étais là « oui, enfin, les cigales, il y en a tout le temps, c'est quoi le délire ?» Et en fait, non, en fait, il y a ces fameuses cigales périodiques. Alors, je ne vais pas dire de bêtises, je crois qu'il y a 3 espèces qui s'enfouissent 17 ans dans le sol, et 4 espèces qui s'enfouissent 11 ans. Non, c'est pas 11 ans. C'est 17 et 13, voilà. Donc 13 et 17 ans. Et en fait, tous les 17 ans ou tous les 13 ans, il y a des milliards d'individus qui sortent d'un coup après avoir passé 17 ans dans le sol, ce que je trouve incroyable pour des insectes. En plus, souvent les insectes m'ont dit oui, ça vit 2 mois et ça clame, c'est en fait pas du tout. Il y a juste la partie ailée qui dure quelques semaines, mais du coup ils ont une vie de 17 ans sous le sol. Et j'ai lu quelques reportages à ce moment-là et je me suis dit, moi, j'ai un peu tiré par les cheveux, hein, mais comme j'ai appris ça et que j'ai trouvé ça totalement renversant, je me suis dit, il faut que le monde sache qu'il y a ces cigales périodiques qui existent. Et je me suis dit, ça fait un petit lien avec le lapin qui est pas à l'heure. Le fait que ces cigales, elles sont vraiment à l'heure, mais c'est fou, hein, parce que je crois que la première émergence de cigales périodiques a été documentée en 1715. Ah oui. Et ensuite, depuis, en fait, les cartographies peuvent vous dire à peu près dans quelle zone va sortir telle génération de 13 ans, 17 ans, et ils les calculent comme ça. Alors, il paraît que les petits changements climatiques peuvent faire en sorte que des fois, c'est pas pile poil tous le même jour, mais c'est quand même assez juste, et vraiment, tous les animaux émergent au même moment. Et voilà. Et je trouvais ça ouf, et je me suis dit, il faut que le monde sache. En plus, aux États-Unis, c'est vrai que donc là où elles étaient, moi, je connais des gens qui ont fait le voyage exprès pour aller plus sur la côte est. J'ai pas mal de biologistes quand même dans mes connaissances, on va dire, mais c'est vraiment un événement en fait, des gens qui sont pas forcément avec une sensibilité comme ça. On fait une sorte de fête. Il y a des villes où il y a des fêtes, des cigales et des cicadas en fait qui sortent. Et c'était vraiment... les gens en ont parlé pendant des semaines. Et puis ça a l'air très impressionnant. Enfin, ouais. J'avais lu un article, je crois qu'il... Alors, je sais pas s'il a été traduit en français, mais il y a un article sur le National Geographic anglais qui raconte... ils interviewent des gens dans un parc zoologique. Ils disent on les ramasse à la pelle, les cigales, ouais, en fait. Il y en a partout. Il y en a vraiment un nombre qu'on a du mal à imaginer, quoi. Donc, ça va être très impressionnant. Et se dire que c'est que tous les 13 ans, voire tous les 17 ans, c'est vrai que ça vaut le déplacement. J'avoue que si j'étais de l'autre côté de l'Atlantique, je serais tentée d'aller voir. À ce propos, il y a Blue Phoenix qui réagit en disant que dans le sud de la France, nos cigales, c'est sur un cycle de 3 ans, selon lui. Du coup, il y a des années parfois où on les entend pratiquement pas. Vous étiez tombé sur cette information aussi ou... Alors moi, je savais que les cigales, même les nôtres, passaient beaucoup de temps dans le sol, plusieurs années. Mais le fait qu'il y en ait plus ou moins selon les années, j'avoue, je m'étais jamais penché sur la question. D'accord. Et vu qu'on est à vous passer des sons, il y en a un autre que je voulais vous fournir, toujours encore une fois pour ces animaux qui ont des comportements impressionnants. Oh waouh! Ah, si c'est pas apaisant ça! Alors, parmi les personnages les plus célèbres de la franchise, il y a le chat de Cheshire qui reste un préféré. Et s'il fait souvent son apparition dans votre livre, vous vous êtes notamment intéressé à la science de son ronron. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Cette fois-ci, c'était Anne-Cécile qui s'en est occupée ou c'est encore une fois Agatha? Non, c'est Agatha encore une fois. C'était moi, le chat de Cheshire. Et je dois avouer que j'ai écouté un excellent podcast d'un non moins excellent vulgarisateur qui parlait de ronron, qui a été diffusé cet été sur Futura Science. Tout à fait, a été fait avec ma femme qui vient de rentrer. Vous avez entendu une porte claquer, c'était elle. Et avec l'assistance du chat, bien sûr. Tout à fait. Et en fait, oui, pareil, parce que du coup, le chat de Cheshire, c'était l'excuse pour parler des sourires chez les animaux. Pendant la conférence, moi, j'avoue, je m'en suis surtout servie pour montrer plein de gifs de chiens et de singes qui, en fait, ne veulent pas du tout, ne sourient pas du tout parce qu'ils kiffent la vie, bien au contraire. Parce qu'il y a des sourires qui ressemblent à nos sourires, mais qui sont souvent des postures de soumission ou des postures qui montrent que si tu t'approches un peu plus près, tu vas te faire mordre. Et j'avais surtout utilisé ça. Et puis ensuite, là, avec le bouquin, je me suis dit, c'est l'occasion un petit peu de creuser la question. Et c'est vrai qu'il y avait la question du ronronnement. Surtout que dans Alice, en fait, c'était assez drôle. Il y a, au début du deuxième livre, elle regarde les... Parce qu'il y a deux petites chatonnes. Parce que dans le premier livre, elle parle de sa chatte qui s'appelle Dina. Et en fait, dans le deuxième, elle joue avec les deux petites Blanche-Neige et Kitty. Et elles disent que les chats ronronnent pour répondre. Et on ne sait jamais si ça veut dire oui, non, zut. Donc, on ne sait jamais ce qu'ils pensent. Et du coup, je trouvais ça rigolo de se poser la question du ronronnement, parce que ça, je l'avais un petit peu vu, notamment avec mes collègues en éthologie, du temps où j'étais doctorante, et qui racontait que, en fait, parce que moi aussi, quand j'avais un chat, j'étais persuadée que quand il ronronne, c'est qu'il kiffe la vie et qu'il est très bien. Et en fait, on a observé des ronronnements de chats chez des animaux qui sont pas bien, qui sont malades, voire qui sont sur le point de mourir. Donc, ça met en perspective le ronronnement comme indice de bien-être chez le chat. Et en fouillant un petit peu, c'est vrai que j'ai trouvé un papier qui... Quand on voit le titre, on se dit « what ?» Qu'est-ce que c'est que ça ? Comme quoi, une des théories avancées, c'est que les chats qui ronronnent, en fait, apparemment, leur ronronnement sont à une fréquence bien particulière qui correspond à une fréquence que nous, êtres humains, utilisons pour certains soins au niveau osseux, au niveau respiratoire, je crois, parce que les vibrations auraient un effet thérapeutique. Et du coup, voilà, la théorie serait que le ronronnement pourrait auto-soigner le chat. Alors, c'est une étude... alors, j'ai plus le nom de la chercheuse, c'est Mutel Malger, j'ai plus le nom de la chercheuse en tête, c'est honteux, fouille viteuf. On sait jamais, hein, des fois qu'elle entend ta bibliographie est extensive, je pense que tu peux t'excuser si tu oublies le nom d'une chercheuse. Tout oui, va bien. Mais bon, quand même. Et du coup, voilà. Mais c'est marrant, parce que vraiment, quand j'ai lu l'article, j'étais là, what, c'est quand même très improbable. Mais voilà, c'est une des possibilités. Et du coup, il y a un autre papier qui explique que les chats nous manipulent, même si on le savait déjà, et qui explique qu'ils ont plusieurs types de ronronnements. Un ronronnement, genre quand vous les gratouillez, voilà. Et un ronronnement super intensif quand ils attendent leur pâté. Et apparemment, ce ronronnement, voilà, il a des pics de fréquence particuliers qui font vraiment réagir, genre comme le... Alors, je caricature, mais un peu comme le cri du nouveau-né, genre « je vais mourir tout de suite si tu ne me nourris pas ». Et c'est très drôle parce que les gens qui ont des chats réagissent plus vite que ceux qui n'en ont pas, en mode on les a entraînés quoi. Les humains sont entraînés à comprendre que là il faut nourrir tout de suite. Donc je trouve ça drôle parce qu'on sait toujours pas si le chat est officiellement domestiqué, c'est une grande question sur laquelle les spécialistes n'arrivent toujours pas à s'accorder, genre est-ce que le chat est domestique ou pas. Mais voilà, au bout de 10 000 ans de cohabitation, on voit que c'est eux qui maîtrisent les croquettes et la vie avec nous. Alors, les croquettes d'il y a 10 000 ans, quand même, elles étaient un petit peu moins... Non, mais bon. Voilà, sur le ronron du chat. Donc, on a parlé de grillons, de chats, oui. Des animaux qu'on connaît déjà. Mais il y a plein d'animaux étranges dans l'Alice au Pays des Merveilles. Et parmi les animaux les plus étranges, moi, ce que j'ai trouvé, c'est la fameuse tortue fantasy. Ou alors, simili-tortue, selon les traductions, là, pour traduire mock turtle. Alors personnellement, je trouve ça étonnant qu'on appelle la tortue fantaisie, alors que mock veut dire quelque chose comme une mauvaise copie de la réalité, quelque chose comme ça. Donc est-ce que c'est vraiment je pense que c'était pour vous un challenge en fait, la traduction aussi de livre par rapport à parce que c'est avec beaucoup de jeux de mots en anglais. C'était pas trop frustrant du coup de ne pas l'écrire en anglais? Bah ça, pour le coup, c'était un peu Anne-Cécile, ma référente traduction, parce qu'elle avait une bien meilleure connaissance du texte que moi de départ. Et du coup, c'était une décision conjointe. Mais c'est aussi Anne-Cécile qui vérifiait dans ses bouquins, parce qu'elle avait plusieurs versions, pour savoir sur quelle traduction il fallait qu'on s'accorde. Ouais, on a pris celle d'Henri Parizeau, parce que c'était celle qui est considérée comme la meilleure traduction d'Alice, en cherchant des trucs sur Internet sur quelle traduction prendre. Et il avait... Alors, il faudrait regarder, parce qu'il a mis plein de notes pour expliquer les choix qu'il a faits. Comment il a dû traduire et tout. Et c'était fantasy en mode... Je sais pas comment expliquer, mais... Quelque loufoque. Chose qui n'est pas vrai. Oui, un peu loufoque, un peu... Ouais. Voilà, il a utilisé ça pour tout... C'est vrai qu'on a des fois simili-tortue, mais... Bon, après, voilà, c'était des choix de traducteur, quoi. Moi, j'avoue, j'aimais bien simili-tortue, mais comme on avait tranché en disant on garde Henri Parizeau tout le long, on s'y est tenu. Ouais. Mais je trouve aussi que ouais, simili-tortue, on voyait plus le côté faux, comme simili-cuir, on se dit bon, voilà. Et fantasy, c'est vrai qu'un bijou fantasy, des fois, ça peut imiter un bijou, par exemple, qui a de la valeur, mais c'est plus subtil, quoi. Ouais, j'avoue, je suis moins convaincue aussi. Donc, pour vous citer, dans la première ébauche de l'histoire illustrée par Lewis Carroll lui-même, donc le fameux animal, donc l'animal est représenté d'une façon bien étrange, avec des plaques d'écailles qui rappellent plus le pangolin, ou le tatou que la tortue, et sa tête ressemblerait à celle d'un paresseux ou d'une loutre de mer, et ses membres évoquent ceux d'une otarie. Donc, c'est bien ça. Des fois, dans les versions aussi, j'ai entendu des têtes de veau, des trucs comme ça. Ouais, alors ça pareil, je suis un peu triste. J'ai un petit peu embêté notre éditrice jusqu'au bout parce que je voulais qu'on mette cette image de Lewis Carroll dans le bouquin et puis ça tenait plus. donc ça, il n'y est pas, mais il est en image libre de droit. Donc si vous cherchez Lewis Carroll, Mock Turtle sur l'internet mondial, je pense que vous le trouverez, mais c'est vraiment une sorte de tête de paresseux avec des écailles très très chelous, on va pas se mentir. J'aimais vraiment bien cette représentation, et c'est vrai qu'ensuite, ce qui s'est passé, donc, parce que ça, c'est le dessin, qui est le fameux bouquin dont vous parlez tout à l'heure, qu'il a offert à Alice Liddell et qu'il a entièrement illustré de sa main, mais quand le livre est paru en 1865, il a été entièrement illustré par Tenniel, qui était donc l'illustrateur officiel qui a illustré les deux bouquins, et lui, voilà, il a fait le choix de représenter une tortue marine avec une tête de veau, des pattes arrière de veau et une queue de veau. Et toutes les illustrations qui ont été faites depuis de cette fameuse simili-tortue se sont inspirées de la représentation de Tenniel. Même aujourd'hui, hein, y a des représentations très très contemporaines qui reprennent ça. Et en fait, là aussi, c'est vrai que là, comme ça, on peut se dire, bon, c'est juste une tortue chelou avec une tête de veau. Mais quand on remet dans le contexte de l'époque, il y a toute cette histoire que les Anglais, bon, il faut le remettre, hein, l'Empire britannique de l'époque victorienne, c'était quelque chose. Hein, la reine Victoria, on disait que le soleil ne se couchait jamais sur son empire parce qu'elle avait une emprise sur les trois quarts des pays de la planète. Et les Anglais étaient très friands de mets exotiques. Et du coup, ils consommaient de la soupe de tortue verte à cette période-là, à partir des années 1750-60, jusqu'au moment où les tortues vertes, bah, du coup, ça coûtait quand même très cher, et puis il n'y avait plus de tortues, hein, à force de les pêcher. Et la bonne société anglaise, qui, en fait, à la base, c'était vraiment un mets rare que seuls les aristocrates et même la famille royale pouvaient se payer. Et puis, bon, il fallait quand même... vendre de la soupe de tortue à tout le monde, finalement. Donc, ils ont un petit peu dévalué ça pour transformer la soupe de tortue en mock turtle soup, en fausse soupe de tortue, et on remplace la tortue par du veau. Voilà. Et quand on a cette histoire-là, ça fait sens qu'en fait, la fausse tortue, c'est la fameuse tortue que les gens consommaient pour de vrai à l'époque, qui a été transformée par de la soupe de tête de veau. Mais ça, c'est fascinant. Ça veut dire qu'il devait y avoir une conversation entre l'auteur, Lewis Carroll, et son illustrateur qui a amené à peut-être changer le sens de ce que voulait faire Lewis Carroll tel qu'on pouvait le voir dans sa première version, Alice sous la Terre, puisque là, on l'a mis dans les notes de l'émission et dans la chatroom, les deux dessins n'ont vraiment rien à voir. Et ça change en fait le sens de la créature, non ? Ah bah ouais, complètement. Et alors, j'ai lu un ouvrage qui est assez chouette, qui raconte les histoires des représentations graphiques dans Alice. Et apparemment, Tenniel était de très bonne composition parce que Lewis Carroll était très exigeant. C'est-à-dire qu'il lui a envoyé des kilomètres de lettres. Et je sais qu'il a collaboré avec un autre illustrateur pour un texte qu'on évoque plus tard qui s'appelle La chasse au snark. Mmh. Et là, l'illustrateur, il a pété un boulard, quoi. Il n'en pouvait plus de Lewis Carroll parce que voilà, il n'avait pas mis le bon nombre de hachures sur la veste du personnage B, etc. Donc je pense que vu que lui-même avait déjà illustré une première version de son œuvre, il avait une idée très précise de ce qu'il voulait, quoi. Donc... Mais ça c'est parfait, ça, comme transition, parce qu'on peut demander à Anne-Cécile, vu que cette fois-ci, Agatha est à la fois autrice, mais aussi illustratrice, qu'est-ce que ça fait de travailler avec quelqu'un comme Agatha est-ce que tu as pu dire, change les dessins, ou est-ce que c'était mort À quel point est-elle relou. Voilà, en gros. Alors attends, il y a tout ce que je peux pas dire. non, il y a pas eu de souci parce que en fait, on a communiqué sur ce qu'on voulait avoir comme dessin. Heureusement, Agatha était très très très réactive, genre la couverture. Bon ben ouais, cette idée ça nous plaît, il nous faut le dessin pour dans 2 heures. Et là tu fais, mais les gars, enfin moi j'étais au travail, là, non. voilà, c'était. Et sinon après ben on. Ouais, je sais qu'Agatha a passé beaucoup, beaucoup de temps à imiter Tenniel. C'était très long de faire tous les petits traits au crayon et tout. Ah, les petits traits. Il faut faire des petits traits. Après, ce qui est pas mal, c'est que même si au final, le bouquin, on l'a quand même écrit sur un temps très court, on peut le dire, l'avantage d'avoir préparé les conférences, d'avoir vu le film Disney, de se l'être réparti, on savait déjà à peu près quelle partie l'une et l'autre on voulait faire. Et je pense qu'on avait eu le temps un petit peu de réfléchir à quelles illustrations étaient pertinentes. Et au final, c'est vrai que nous, on avait très envie de mettre beaucoup d'illustrations de planches naturalistes. Donc ça, en fait, bah, y a des choses merveilleuses sur le site Biodiversity Library Heritage, pour ne pas le nommer. Et en plus, c'était chouette parce que c'était plein de planches qui sont contemporaines de Lewis Carroll, donc c'est tout à fait dans le thème. Mais il y a des choses qui n'existent pas. Typiquement, le Loir qui mange une galette de thé pu'er, ça n'existe pas. Donc moi, j'étais surtout là un peu en support pour des choses plus cartoon, des choses qu'on ne pouvait pas trouver dans les planches naturalistes. Donc en fait, c'est venu assez vite. On a pris le texte, on a listé. Alors ok, des cigales, ça il y a sur le site. Des saumons, ok, ça c'est bon. Bon, par contre, un dodo qui parle à un cormoran en train de se sécher, ça il y a pas. Et donc du coup, ouais, on a fait la liste comme ça de ce qu'il fallait, quoi. Mais sachant qu'il y en a bien moins que ce qu'on avait envie de faire. C'est vrai que bah, c'était un peu la déception. Il y en a bien 4-5 de plus ouais. Que j'aurais bien voulu faire, mais niveau timing, voilà, c'était compliqué. Ouais, puis on nous en a enlevé aussi. C'est vrai que c'est dommage qu'on n'ait pas eu de couleur aussi. Ça aurait pu être sympa. Je sais pas, une double page de couleur au milieu du livre, ça aurait pu être cool. Voilà, quand on parle des chenilles bleues, puis qu'on n'a pas de dessin de chenilles bleues, c'est dommage, quoi. On perd un petit peu, mais bon. C'est pour ça que c'est plus des tableaux, les dessins avec tous les animaux dans le même coin, j'imagine, pour gagner de la place. Ouais, c'est vrai, certains. Mais au niveau des illustrations, au final, toutes celles que j'ai faites ont été intégrées. C'est juste que voilà, il y en a deux, trois autres. Par exemple, la cigale avec le lapin, j'aurais bien voulu faire un truc un peu humoristique. Il y a deux, trois trucs. Mais bon, à côté de ça, j'ai aussi fait les trois grandes énormes fresques de début de chapitre. Et voilà, sur celle-ci, il y a 18 animaux par dessin en moyenne, donc ça va, ça compense. En tout cas, c'était important, pour moi, en tout cas, d'avoir ces dessins d'Agatha pour rajouter un peu de légèreté au texte, de pas avoir un truc trop sérieux, parce qu'on est là pour s'amuser, quoi. On est là pour avoir du plaisir à lire le livre, et je voulais pas un truc vraiment très, très sérieux avec des planches naturalistes, voilà, très... Et encore, des dessins, c'est bien, parce qu'il y a des livres de sciences indigestes, hein, vous le lisez, et il n'y a pas une seule illustration, et c'est un peu dommage, quoi. Surtout que d'ailleurs, en plus, dans Alice, au début, Alice dit à sa sœur, dans ce livre, il n'y a pas d'image, c'est pourri, quoi. Donc, il fallait qu'on respecte un peu la philosophie d'Alice, quoi, de mettre plein d'illustrations partout. Pour continuer dans cette idée où on pourrait faire des images et des illustrations entières, dans l'introduction de cette émission, on a évoqué aussi le poème de Jabberwocky de Lewis Carroll. Et dans les aventures d'Alice au Pays des Merveilles, il y a un passage dans les fameux forêts, là, de Tulgey Wood, avec plein d'animaux bizarres et des mots inventés. D'où est-ce que ça sort, en fait, tout ça? Eh bien, ça, en fait, clairement, c'est moi qui ai lu ce passage et je me suis dit, mais ça n'a aucun sens, c'est génial. Non, en vrai, et ça, pour le coup, moi, je l'ai aussi découvert parce que, autant Anne-Cécile connaissait très bien le texte, et heureusement qu'elle était là, moi, je n'avais jamais lu Alice avant d'écrire ce livre. Donc, j'avais vu l'adaptation de Tim Burton où le Jabberwock a une place très importante, puisque c'est l'antagoniste de l'histoire, celui qu'Alice affronte. Mais pareil, je me suis dit, bon, bah, il a fait un dragon, Tim Burton, il a craqué son slip. Mais en fait, il est assez fidèle au dessin de Téniel. Et en fait, ce poème, il est assez rigolo parce que, en fait, c'est dans le deuxième livre, parce que là aussi, moi, je l'ai découvert. Il y a deux livres d'Alice. Il y a Alice au Pays des Merveilles et De l'autre côté du miroir. Et dans De l'autre côté du miroir, du coup, elle traverse le miroir de son salon, arrive dans un monde parallèle où c'est plus ou moins une partie d'échec qui est en train de se passer. Et elle arrive et elle lit un texte qu'elle ne peut lire que devant un miroir, puisque tout est inversé, aux surprises. Et bien c'est sûr. Ce fameux texte du Jabberwocky qui est complètement déconnecté de l'histoire. Hein. Alice, elle n'est pas dedans. D'ailleurs, Tim Burton, il s'est fait plaisir, mais ce n'est pas du tout ce qui se passe dans le roman d'origine. Et du coup, ça te fait référence à plein d'animaux qui n'existent pas, hein, des créatures fabuleuses. Et j'ai trouvé ça rigolo parce que, du coup, Alice, plus tard, rencontre Humpty Dumpty. Et ça, moi aussi, je l'ai découvert, parce que Humpty Dumpty, c'est ce fameux œuf qui est toujours assis sur un mur, qui fait partie du folklore britannique, hein, qui fait partie des contes. Et il est d'ailleurs très désagréable avec Alice, comme à peu près 95% des personnages qu'elle rencontre. Ils sont tous super désagréables. Et il lui explique d'un ton un petit peu condescendant quels sont les animaux, à quoi ils ressemblent, en fait. Et ces descriptions d'animaux sont très drôles. Hein. Il y a le verchon fourgu, qui est une sorte de cochon avec un nez en tire-bouchon. Y a les Borogov qui sont des oiseaux qui ressemblent à des serpillères vivantes, ce genre de choses. Et j'ai trouvé ça. Alors, ça aussi, c'est un truc qui était assez inspiré des conférences, parce que dans le dessin animé de Walt Disney, si vous l'avez vu, il y a une séquence d'ailleurs que je trouve très angoissante, où Alice se retrouve dans le fameux bois, où il y a des pancartes qui vont dans tous les sens, et il y a une espèce de chien avec une tête de balai qui efface ses empreintes au sol, et donc elle se retrouve toute seule, perdue, avec personne, elle se met à pleurer toutes les larmes de son corps. Moi, j'ai toujours trouvé cette séquence horrible. Et dans cette séquence, il y a plein d'animaux, notamment il y a des oiseaux lunettes, des oiseaux cymbales, des oiseaux parapluies. Et en fait, j'avais trouvé ça très rigolo de me dire, est-ce que ça existe pour de vrai un oiseau parapluie? Et donc c'était vraiment un parallèle entre ces animaux bizarres et ceux qui existaient. Et en fait, voilà, on a prolongé ce jeu-là avec Jabberwocky, parce qu'il y a d'autres créatures qu'il n'y a pas dans le Disney. Donc, mais c'était vraiment un prétexte. D'ailleurs, peut-être que je l'ai pas rédigé de manière très subtile, parce que ça peut faire un peu liste, j'en ai bien conscience. Mais c'était l'occasion de présenter des bestioles très bizarres, comme le grand balisor, voilà, que moi j'ai découvert en faisant ces recherches. Il y a en Asie du Sud-Est un blaireau géant qui a un nez en trompe. Voilà, je trouve ça incroyable. Et c'est un animal sur lequel on ne sait à peu près rien. On connaît pas son comportement, on sait pas combien de temps il vit, on sait pas s'il vit en couple, seul ou pas, parce qu'il vit au fin fond des forêts du Laos où personne n'est allé, et voilà, je trouve ça fascinant. Et ouais, c'est vrai, j'en ai déjà partagé sur Saft, c'est que c'est une bestiole un petit peu bizarre, elle s'appelle Arctonyx colarix, j'en ai profité une fois pour faire un étymozoo dessus, mais ouais, c'est totalement invraisemblable, c'est exactement la description, un blaireau avec un nez de cochon. Il y a pas de. Et j'en avais jamais entendu parler avant de faire ces recherches, parce que vu qu'on ne connaît rien dessus, on n'en parle pas. Il n'y a pas de docu sur le grand balisor qui existe. Mais ce que j'ai bien aimé dans cette liste, j'ai trouvé ça comme une exploration. On se laissait volontiers emmener. C'est que pour certaines descriptions de ces poèmes ou de ce texte, tu arrivais quand même à trouver des exemples. Typiquement, il y a des oiseaux à lunettes, t'as réussi à en trouver un? Tout à fait. Tout à fait. Y en a même plein, hein, des oiseaux à lunettes. C'est vrai que je parle des choux. Parce qu'il y a 46 000 espèces d'oiseaux à lunettes. Donc, ah oui, d'accord. C'était là où c'était plus compliqué, mais les oiseaux parapluies, c'était rigolo de parler des fameuses. Parce qu'il y a vraiment des umbrella birds en anglais, qui sont en fait des. Alors ça y est, le nom m'échappe parce que forcément, c'est au moment où je vais en parler que mon cerveau oublie. Avec des énormes caroncules, donc des espèces de bourrelets de peau comme les dindons qui leur pendouillent sous le cou. Alors attendez que je retrouve le nom exact. Je l'ai dessiné en plus, cet oiseau. Alors attends, tac. Je vais retrouver, j'ai la petite page pas loin. C'est la coracine casquée. Merveilleuse coracine casquée. Et si vous regardez une photo d'une coracine casquée, ils ont une espèce de coupe, un croisement entre un palmier et une coupe Playmobil, qui fait comme un parapluie sur leur tête. C'est incroyable. Et voilà, ils ne ressemblent à rien, objectivement, mais ce sont vraiment des umbrella birds. Voilà, en vrai. Alors, la coracine casquée, quand même, ce qui est plus remarquable, c'est le mâle qui sort une sorte de. Ça jabot de plouille. Ouais, c'est une sorte de. On a l'impression que c'est. Comment on appelle ça? Ouais, une sorte de. Je n'arrive pas à trouver mes mots, c'est terrible. Mais donc, en effet, elle est casquée, on a l'impression qu'elle a un petit parapluie sur la tête, mais elle a surtout une écharpe et qui lui tombe du cou, comme ça. Mais voilà, une caroncule. Mais j'ai appris le mot aussi, hein, c'est pour ça que je suis très fière et que je le répète joyeusement. Mais c'est comme les dindons, ça s'appelle ça aussi les caroncules chez les dindons, même si c'est moins impressionnant parce que ça fait 5 cm. Lui, ça fait 50 cm et ça pendouille sous son ventre. D'ailleurs, quand il vole, je ne sais même pas comment il fait pour gérer ce truc-là entre les arbres parce que ça doit flotouiller. Il doit y avoir des problèmes d'impact de caroncules, des fois, je ne sais pas, dans la forêt amazonienne, mais bon. Voilà, les oiseaux parapluies. Que des trucs bizarres. On parle du babiroussa, enfin, que des bêtes étranges. J'ai été quand même flatté que vous évoquiez aussi le jackalope en citant un excellent blog. Article. Donc ça m'a fait très plaisir. Donc vous pouvez me parler un tout petit peu du jackalope, qu'est-ce que c'est? Eh bien, le jackalope, c'est la contraction de jackrabbit et de antelope, donc un lièvre cornu avec ses cousins. Attends, tu vas m'arrêter, c'est le Wolpertinger, c'est ça? Celui qui a ses petits crocs et ses petites ailes qui viennent d'arrière. Je ne t'arrête pas, c'est tout à fait exact. C'est Wolpertinger, voilà, tout à fait. Et je crois d'ailleurs que j'ai découvert la version réelle de la chose sur ton blog, donc c'était tout à fait normal de rendre à César ce qui est à César. Ah, ça, donc, quel plaisir. Il y a un virus de la famille des papillomavirus qui provoque des excroissances sur ces pauvres lagomorphes qui se retrouvent avec comme des cornes sur la tête. Et on peut penser que c'est à l'origine du mythe de cet animal un peu mystique. Alors, je ne sais pas si le mythe était là avant les lapins cornus ou pas, mais en tout cas, on peut trouver... Voilà. À mon avis, le mythe et la réalité se sont rencontrés. Se sont rencontrés. Mais par contre, et là, j'imagine que c'est Anne-Cécile qui a trouvé cet exemple-là. J'ai beaucoup apprécié le coup de chapeau, si vous me permettez l'expression, que vous avez donné à un groupe d'insectes qui s'appelle les membrincides. Moi, personnellement, c'est mes insectes préférés. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ces insectes ont un lien avec le chapelier fou? Oui, c'était pour parler un peu des insectes bizarres. Enfin, comment ne pas citer les membrincides, parce qu'ils sont tous bizarres. Alors, c'est tout petit. Hein. Si vous êtes comme Alice et que vous aimez que les petits insectes, ça fait quoi, 7 mm à peu près, on va dire, quelque chose comme ça. Et ils ont une excroissance du thorax, donc juste derrière la tête, qui, ben, on a l'impression qu'ils sont un peu coiffés. Alors ça dépend des différents membrincides. Voilà. Alors soit ils ressemblent un peu à des épines. Voilà. Ça peut être aussi pour du. Enfin, on pense que ça peut être pour du camouflage aussi. Voilà. Qui. Enfin, on ne sait pas exactement à quoi ça sert, mais ça permettrait peut-être de faire du camouflage. En tout cas, quand il y en a vraiment, quand ils sont sur des plantes, on a l'impression que la plante, elle a des épines. Enfin, voilà. Ouais, et clairement. En fait, c'est plein de petits insectes. Et alors moi, j'en ai un que j'aimais beaucoup. Alors, je vais essayer de bien prononcer son nom scientifique. C'est Bocidium globulare. Alors lui, il est rigolo parce qu'on dirait qu'il a un hélicoptère sur la tête avec des boules et puis une espèce de queue qui part. Enfin, c'est trop fou, quoi. Enfin, la nature fait des choses, c'est absolument fantastique. Voilà, j'invite vraiment les gens à taper membrincide sur internet pour voir tous ces trucs bizarres. Ils ont des couleurs en plus qui sont magnifiques. Enfin, les insectes, il y a tout ce qu'on veut, quoi. C'est vraiment fou. Tout ce qu'on peut trouver comme forme différente d'insectes, quoi. C'est assez incroyable. Donc, juste pour resituer, la raison pour laquelle tu es passionné d'insectes, ça vient à ton doctorat, c'est ça? Ouais, je sais pas. J'adore la relation insecte-plante, on va dire, tout ce qui est pollinisation et tout. Mon doctorat, c'était vraiment centré sur la drosophile, vraiment pure et dure, quoi. Uniquement du comportement de drosophile et de l'imitation du choix de partenaire chez la drosophile. Donc, on n'est pas trop sorti de la drosophile femelle. Hein, parce que, voilà, je ne pouvais même pas étudier les mâles, c'était même pas possible. Quoi. Ah voilà. Non, mais j'aime beaucoup les insectes. Voilà, les insectes en général. Enfin, je ne sais pas, je trouve ça joli. J'aime bien les regarder dans l'herbe. Je m'assois dans l'herbe et je les regarde, j'avoue. C'est... Bon, chacun ses passions, on va dire. Ça se respecte à fond. On a parlé mammifères. On a parlé insectes. Et moi, je vais vous parler poissons. Parce que durant le roman, il y a pas mal de trucs qui m'ont étonné, que je ne connaissais pas du tout. Et donc, vous évoquez aussi les chaussures en peau de poisson qu'ont certains personnages, en fait. Et vous rajoutez par un fait historique que la peau de poisson revient sur le devant de la scène, publicité par des grands couturiers comme la Maison Dior ou Louis Vuitton. On estime ce cuir 20 fois plus résistant que celui de la vache. Le galucha, donc c'est le nom qu'on lui donne, est encore utilisé aujourd'hui pour fabriquer des sacs et autres accessoires de maroquinerie, ainsi que des bijoux, voire des coques de téléphone portables que vous écrivez. D'ailleurs, j'ai trouvé un site internet où il faut la référence. En gros, donc c'est résistant et imperméable, quoi. C'est du cuir de poisson, et en plus c'est léger, j'imagine. Donc, c'est-à-dire qu'il y aurait un monde où on pourrait avoir des anoraks en peau de poisson, quoi, c'est ça? Bah en fait, il y a deux matières différentes. En effet, il y a la partie peau de poisson, mais c'est souvent qui était utilisée en Scandinavie, en Sibérie. Et en fait, les gens qui habitaient dans ces communautés utilisaient vraiment un peau de poisson pour se faire des anoraks. Et en fait, ils résistaient. C'est ça qui nous a donné nos anoraks qu'on dit déperlants, parce que du coup, l'eau glisse dessus. Et en fait, c'est vraiment inspiré de ça. Moi, je l'ai aussi appris en faisant des recherches. Hein. Je me dis, incroyable. Ce n'est pas possible. Parce qu'en fait, dans le texte, il y a un jeu de mots où, en gros, il y a le griffon, je crois, qui dit à Alice, qui fait un jeu de mots et qui parle de ses chaussures. Et ils répondent qu'ils peuvent faire des chaussures en peau de poisson. Et donc, voilà, il y a d'un côté ces peuples de Sibérie, du nord du Japon, qui utilisaient, je crois que c'est pas mal, des peaux de saumon, en fait, qu'ils utilisaient vraiment pour des chaussures et tout. Et à côté, le galucha, où le galucha, lui, c'est spécifiquement de la peau de poisson cartilagineux, donc du requin, de la raie. Et c'est pas tout à fait le même usage. C'est-à-dire que le galucha, il est vraiment très dur. Parce qu'en fait, parce que la peau des requins et des raies, il y a des espèces de denticules à la surface, comme des petites dents, en fait, je sais pas comment expliquer ça mieux, qui fait que leur peau est vraiment déjà très bien faite pour glisser dans l'eau sans perdre d'énergie. Mais voilà, c'est quelque chose qui peut être très dur. Et du coup, ce galucha, de Monsieur Galucha d'ailleurs, qui était français, qui était un expert, alors je crois que c'était sous Louis XV, je peux dire de bêtises, oui, c'était Louis XV. Et qui a perfectionné cette technique de tanner cette peau particulière. Et ça aussi, ça m'a un peu... Enfin, j'avais dû faire des recherches pour un autre tournage où je m'intéressais aux peaux des requins. Et c'est drôle de se dire que, voilà, à une époque, c'était très à la mode d'avoir des boîtes en peau de requin. Et c'est extrêmement résistant. Et ça l'est toujours, hein, le galucha. On ne fait pas plus costaud en matière de cuir, je pense. Mais ouais, le coup des chaussures, par contre, j'avoue, je m'y attendais pas du tout. Et qu'en plus, il y ait des créateurs de mode récents qui se sont dit « C'est une excellente idée, on va refaire des chaussures en peau de poisson », j'avoue, je m'y attendais pas du tout. Et voilà, ça m'a... Je me suis aussi dit « Waouh, c'est une découverte qu'il faut partager avec tout le monde. » Bah, c'est vraiment très très surprenant quand même, en effet. Tiens, en parlant de divers animaux, il y a un moment où vous vous êtes intéressé justement aux noms qu'on donne aux animaux, et Lewis Carroll, lui, il avait justement cette habitude d'utiliser des jeux de mots comme ce qu'on a évoqué plus tôt, les rocking horsefly ou encore le bread and butterfly. Mais vous révélez que les scientifiques ne sont pas en reste pour cette pratique. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les noms scientifiques les plus étranges ? Moi, par exemple, et je vais essayer de le faire sans sourciller, j'ai vu que, par exemple, Gamara cantuskitodermo gamarus loricato bayakelensis n'est pas un vrai nom scientifique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Bien joué pour la prononciation. Oui, en fait, c'est le mousseron qui parle à Alice de l'importance d'avoir des noms et de pourquoi les animaux ont des noms. Et du coup, je me suis dit, ça peut être un prétexte pour parler un petit peu de comment on nomme des espèces, parce que les gens ne le savent pas forcément, comment est-ce qu'on nomme des espèces, pourquoi on fait ça, etc. Du coup, il y a pas mal de commissions internationales de nomenclature qui existent. Et on ne peut pas faire ce qu'on veut au niveau des noms. Et donc celui-là, que je ne me risquerai pas à redire, en fait, il a été invalidé parce qu'il a été considéré comme trop difficile à prononcer. Ah bon ? Alors que c'était trop fastoche ? Je veux dire... Voilà. Il avait été donné en 1927 pour un petit crustacé, si vous voulez, toute l'histoire du lac Baïkal, il me semble. Et en fait, il a été complètement refusé. Alors du coup, c'est quoi le nom de le plus long nom scientifique qui existe ? Alors, a priori, ce serait, attention, Parastratiosphecomia stratosphecomioides, et c'est parfait. Une mousse soldat qui vit en Thaïlande et qui, dans sa forme, imite une guêpe, en fait. Voilà. Ah bah donc oui, ça... c'est ce qu'on pouvait déduire du nom, d'ailleurs. Tout de suite, vous l'avez tout de suite vu, d'ailleurs. Et le plus petit ? Alors, le plus petit, moi, j'ai trouvé Ia-Io. C'est ouais. Une chauve-souris, en fait, voilà, d'Asie du Sud-Est et d'Asie de l'Est. Et c'est aussi un des noms qui a que des voyelles. Voilà. Ah oui, d'accord. Pour la petite histoire, voilà. Yayo, en effet. Moi, j'avais trouvé pour le plus petit Lala. Mais je ne l'ai pas retrouvé, Lala. Du coup, je l'ai cherché et je l'ai pas retrouvé. Parce qu'avec le genre là, puisque ouais. Ton nom scientifique, on a un nom de genre, un nom d'espèce. Il y a la cucaracha, par voilà. Exemple. Et voilà. La cerveza aussi. Mais je n'ai pas trouvé là, tout court. J'ai cherché là dans le Catalogue of Life. Qui, normalement, ah, mais ça se trouve, il a dû être renommé. Ça arrive aussi. C'est possible. Ouais. C'est possible, ouais. Moi, je me souviens que j'avais fait une recherche. Alors ça, c'est pas dans Alice, mais pour une chronique radio où j'avais parlé de noms latins. Et par exemple, il y avait Abracadabra, hein, forcément, en toute logique, et il a été rebaptisé. Et c'est nul, parce que maintenant, il a un nom, je crois que je l'ai, c'était Theora Mesopotamica, c'est beaucoup moins drôle, et Abracadabra n'existe plus. Donc c'est nul. Et le Agracadabra existe toujours ou pas? Ah, bonne question, parce que j'ai pas regardé. J'ai trouvé celui-là, et Agravation aussi. Après, il y en a, ils s'amusent. Il y en a, il s'appelle... celui-là, j'aime bien. Bon, son nom de genre, c'est Cyclocéphala. Bon, ça, c'est... ça fait classique. Mais après, c'est Not Another One. Not Another One, en fait. Parce que, voilà, ils en avaient marre d'en trouver. Il y en a, il s'appelle Ears Looking At... Alors, je ne sais pas comment le prononcer, Luke et Nacha, on dirait, si on le prononçait vraiment à en version latine, mais c'est He's Looking At You. Ah, il regarde. Voilà, après, il y en a qui s'appelle Inglorious Mediocris, pour un papillon. Voilà. Il y en a qui s'amusent, il y a un genre Scatogenus, hein, si vous voulez tout savoir. Voilà, ils s'amusent, et puis sinon, oui, il y en a qui ne sont pas inspirés, là, j'avais trouvé, donc c'est le genre Ophiomia. Et puis on a prima, segunda, tertia, quarta, quinta, sexta, septima. Voilà, ils avaient trouvé cette espèce d'un coup et hop là. Par contre, il y a un truc que j'ai découvert. Donc, quand on nomme une espèce, on ne peut pas la nommer soi-même. Donc, en général, les scientifiques, ils nomment un copain qui vont les renommer après, etc. Comme ça, ils peuvent passer leur nom à la postérité. Et j'ai découvert qu'il existait maintenant des ventes aux enchères de noms. Ah, tiens. Wow. C'est-à-dire que vous pouvez, alors c'est pour la conservation, donc ils ont dit, bon, bah, on a cette espèce qu'il faut nommer et vous pouvez acheter en fait. Le fait de mettre votre nom. Donc, du coup, vous payez, et puis le scientifique, après, la nomme d'après vous. Oh, donc, wow. Ça, c'est assez rigolo. Et c'est ce qui s'est passé pour Donald Trump. parce qu'en fait, il y en a un, il s'appelle Dermophis Donald Trumpy. Et en fait, c'est un nom qui a été acheté. Et donc, c'est en fait, celui-là, c'est un amphibien vermiforme qui enfouit sa tête dans le sable. Et les gens ont décidé de le nommer Donald Trumpy parce qu'ils trouvaient que le président faisait rien contre le changement climatique, qu'il enfouissait sa tête dans le sable. Donc, du coup, ils lui ont donné ce nom-là. Il y a un papillon dans le nom dont le nom c'est Donald Trumpy, mais parce qu'il a une petite houppette d'écailles orange comme ça. Ça ressemble à... Non, c'est surtout parce qu'il a un micro-pénis. C'est pas seulement la houppette, c'est ça qui est merveilleux, c'est que c'est dans les détails que c'est croustillant, justement. Voilà, il y a plein de petits règlements de compte comme ça, c'est assez drôle, quoi. Mais du coup, moi, j'avais entendu une histoire, je ne sais pas si c'est vrai, des règlements de compte qui datent du 18e siècle, que Linné avait appelé le crapaud Buffo parce qu'il n'aimait pas Buffon. Est-ce que c'est vrai ou pas, cette histoire? Ça, je sais pas. Bonne question, j'en ai jamais entendu parler, mais honnêtement, ça ne me surprendrait pas de Linné. Hein. Mais que du coup, Buffon s'était vengé en appelant le petit escargot, là, les Limné, mais... Bon, voilà. Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas. S'il y a des gens qui ont des infos sur cette histoire, je serais preneuse, en fait. Eh bien, on fait un appel, du coup, à collaboration pour tous les poditeurs qui nous entendent. Est-ce que Buffo et Limné, ce sont des appellations calomnieuses? Voilà. Donc, du coup, après, je me suis un peu amusée à trouver des noms d'espèces qui ressemblent aussi à des stars, etc. Donc, y en a sur... Angelina Jolie, Beyoncé, enfin, il y en a tellement que ce serait trop long de tous les mettre dans le livre. Et il n'y en a pas sur Alice, en fait. Ah tiens, bah oui, j'imagine que vous avez cherché. Alors, j'ai tout tapé, chez Shire, j'ai tout tapé. Et le seul truc que j'ai trouvé, c'est Runella slictiformis. C'est une bactérie qui a été nommée d'après les toves slictueux. Voilà, justement, du poème. C'est une ref un peu poussée, quand même. Ouais. Mais j'ai pas trouvé de Alice, de Wonderlandy, de... Voilà, peut-être que j'ai pas cherché assez longtemps. Il faudrait vraiment tout passer au crible. Ou peut-être il faut nommer une nouvelle espèce, voilà. C'est ça, il faut faire une mise aux enchères pour qu'on nomme un personnage, enfin un animal d'après un personnage du Pays des Merveilles. Et si on continue, je te demande, Pascal, de passer le troisième dernier son, s'il te plaît. Je reconnais, c'est un train. C'est horrible. Je sais pas si on va passer tout entier parce que là, c'était beaucoup de trains. C'est surtout la révélation de ce que c'est qui est quand même complètement fou. Il faut, alors là vraiment, on est une émission radio, on est une émission, un podcast, etc. C'est important de garder cette audiogénie, etc. Mais on vous invite à regarder dans les notes d'émission le lien vers la vidéo qu'a débusqué Cléora pour ce d'où vient ce son. Et donc, Clément, qu'est-ce que c'est ? Alors, je vais te donner la signification déjà. D'abord, ça veut dire à peu près, hein, vous me dites si je me trompe, hein, « Hey mademoiselle, tu viens couplier dans l'eau ». En gros, c'est ça. Hein. Tout à fait, tout à fait. C'est une donc, très bonne traduction littérale. Donc, c'est le sifflement du morse mâle, du coup, dans l'eau, qui attire les femelles donc, en sifflant comme ça. Mais du coup, je me demande, il y a les humains qui savent siffler, et les morses aussi, mais est-ce qu'il y a d'autres animaux qui peuvent aussi siffler ? Parce que personnellement, hein, je trouve ça étonnant comme comportement de siffler, en fait, parce que je trouve ça assez difficile, en fait. J'ai l'impression que c'est compliqué avec beaucoup de muscles du visage à coordonner. Donc, j'ai l'impression que peu d'animaux pourraient le faire. Est-ce que c'est un préjugé que j'ai ou il y a très peu d'animaux ou il y a beaucoup d'animaux qui le font ? Eh bien, je te remercie de cette question parce que je ne me l'étais jamais posée et j'ai profité de cette préparation d'émission pour fouiller un peu. Et en fait, il y en a en fait, auxquels je n'aurais pas pensé parce que, en effet, quand on siffle, il y a vraiment un mouvement des lèvres. Avec voilà, on sort de l'air de la bouche, mais ça demande ouais des muscles, des mouvements assez fins au niveau du visage. Et en fait, il y a des animaux qui sont connus pour leur sifflement. Par exemple, les marmottes. Les marmottes sifflent pour crier quand il y a un prédateur qui s'approche d'elles. Les mammifères marins, comme les dauphins ou les orques, on dit qu'ils sifflent aussi dans l'eau. Et là, je me suis dit, mais les dauphins, ils ont des lèvres. Et en fait, je l'ai découvert en cherchant. Apparemment, il y a une partie de leur rostre, je crois, ou même c'est peut-être dans leur bouche. Là, j'avoue, peut-être si c'est des spécialistes dauphins, ils vont me jeter des bâtons. Mais en fait, on estime qu'ils sifflent quand même. Alors, j'avoue, j'étais très surprise parce que je me dis, il n'y a pas de mouvement de lèvres molles pour qu'ils sifflent. Alors, des fois, je me dis, est-ce que il y a une définition de sifflement biomécanique qui fait que c'est la même chez l'être humain, le morse, ou est-ce que c'est un type de son, une fréquence de son qui est très aiguë, et du coup on appelle ça sifflement, même si c'est pas produit de la même façon. J'avoue, je sais pas trop. Et une autre bestiole que j'ai découvert donc, cet après-midi, mais je me suis dit qu'il fallait que je vous en fasse profiter, il dit y a une chenille qui siffle, je trouve ça extraordinaire, non. Qui siffle. Alors du coup les chenilles, peut-être qu'on en reparlera si on évoque notre chenille... à nous, mais elles ont donc des trous sur le côté du corps par lesquels elles respirent, des stomates. Tu me dis si j'ai non, des non. c'est les plantes. C'est pas les plantes. Comment c'est du coup chez les stigmates? Les stigmates, pardon. Voilà, c'est pour dire les stigmates. Et du coup, il y a un type de chenille qui, en se contractant, fait sortir de l'air par ses stigmates et ça siffle. Et en fait, elle le fait quand elle est en danger et ça fait fuir les oiseaux. Je trouve ça assez incroyable. Donc même des chenilles peuvent siffler alors qu'elles n'ont pas de bouche et pas de lèvres et elles le font par des orifices sur le côté de leur corps. Donc finalement il y en a, mais je pense que tous ne sifflent pas de la même façon. Bah oui, il y a Blue Phoenix qui dit qu'il y a aussi une blatte qui siffle, et d'ailleurs c'est oui, son la surnom. Souffleuse, oui, ouais. Tout à fait, c'est vrai, et c'est aussi une contraction du corps. Moi je les ai déjà vues souffler, elles se compriment un peu. D'ailleurs souvent il y a un petit mouvement au moment où elles soufflent, parce qu'elles soufflent plus qu'elles sifflent, hein, je crois. D'accord. Bon, après, c'est vrai, il y a d'autres qui, dans la chatroom, on dit que, bêtement, les oiseaux sifflent, mais j'imagine que la règle, c'est à partir de lèvres, et c'est ça qui t'a surpris, j'imagine, avec Léora. Il y a même des acacias qui le font, hein. Wow. C'est du vent, mais... avec leurs stomates, de leurs stomates, du coup. Oui, bon, ça ressemble. Il y a plein de lettres en commun. Puis, est-ce qu'on le fait tous pour la même chose ? Parce que finalement, chez l'homme, c'est un comportement... Est-ce qu'on considère que chez l'homme, on utilise ça pour communiquer ? Alors que chez les animaux, c'est plutôt pour communiquer, non ? Bah, bonne question. J'avoue, je me suis pas trop posé la question. Dans la rue, c'est pour communiquer. C'est vrai que quand t'es une nana, en général, c'est pour communiquer. Enfin, les mecs te sifflent. Voilà. Il y a plein de trucs bizarres chez les morses. J'ai lu aussi tout ce qui est canine et tout ce qui est... Il y a des os un peu bizarrement placés, c'est ça ? Ah, ça c'est... J'avoue, je crois que j'ai parlé des morses juste pour le plaisir de parler de Baculum et de Bobellum. Parce que du coup, quand ça c'était dans la conférence du début. J'avoue, c'était clairement... Parce que le but des conférences désenchantées, c'était aussi un petit peu de parler de trucs trash ou surprenants pour que les trentenaires qui ont grandi avec les films soient en mode « Oh là là, mais pas possible !» Donc quand on raconte que voilà Nala est sans doute la demi-sœur de Simba ou tout, voilà, ce genre de choses, les gens sont souvent un peu choqués. Pour les morses, donc les morses ont, comme beaucoup d'animaux, mais comme non pas les êtres humains, un os pénien qui s'appelle le baculum. Et qui est, et c'est sa particularité, de taille très impressionnante, puisque un baculum de morse peut atteindre 50 à 60 cm. Voilà, là on se dit juste, bon, c'est un os pénien, c'est rigolo, on peut faire 2-3 blagues. Voilà. C'est très lourd comme os, parce que nous on le fait, bien entendu, c'est un piège classique qu'on donne à des étudiants en anatomie comparée, c'est-à-dire qu'on leur file cet os-là, on leur dit, alors ça appartient à quel animal? La plupart du temps, ils disent « Oh, ça, c'est un fémur de mammouth » ou un truc comme ça. Et après, on leur dit « C'est un os pénien de morse. » Et généralement, ils déposent l'os comme ça. Avec un petit rictus de dégoût. Exactement. Et bon, alors là, du coup, bon, il y a quand même des choses à dire intéressantes parce que du coup, c'est un os qui est beaucoup utilisé dans les traditions inuites parce qu'il est utilisé comme étui pour des couteaux, il peut être décoré, etc. Mais moi, ce qui m'a sidéré, et c'est aussi grâce à ces recherches que j'ai découvert, c'est que les femelles morses ont également un os clitoridien, le bobellum. Et quand on fait des recherches, vous tapez sur Google Scholar, baculum, vous avez des papiers, en veux-tu, en voilà, mais pour le bobellum, il n'y a plus personne. Et moi, j'étais là, non mais, les gars, sérieusement. Et ça m'a un petit peu choquée, et je me suis dit, mais du coup, parce que les scientifiques étaient pendant longtemps que des hommes munis d'un pénis, ils ne s'intéressaient pas à l'os clitoridien. Donc là aussi, je me suis dit, il faut qu'on en parle, il faut qu'on en parle. Il faut que les gens sachent. Non mais c'est dingue, parce que même des descriptions, parce que l'os clitoridien, du coup, il est beaucoup plus petit, et il ressemble à une sorte de petit marteau de 4 cm, donc rien à voir avec une espèce de baguette osseuse de 60 cm. Ça n'a rien à voir, et on ne sait pas au niveau de la fonction, est-ce qu'elle en a une. C'est vraiment très peu étudié, et je trouve que c'était intéressant... avec des thématiques un peu plus modernes et actuelles, de se dire bah, peut-être que la science est un peu biaisée, qu'il y a des choses qu'on n'a pas étudiées, parce que voilà, pendant plusieurs dizaines d'années, il n'y avait que des scientifiques masculins, et que voilà, il fallait changer les choses. Mais comment tu as finalement débusqué des descriptions de cet os? Tu as chassé une morse femelle à vous? Alors, non. Alors, par contre, j'ai téléchargé une thèse extraordinaire d'un monsieur qui a consacré sa vie aux morses et qui a fait une thèse de je ne sais pas combien de centaines de pages sur une morse et qui a été un document précieux. Non, j'ai fini par trouver un papier qui s'intéresse quand même au bobellum, mais qui est un papier récent, qui comparait bobellum, écureuil, morse avec d'autres espèces, et ça a été mon papier de référence, parce qu'il n'y en a quasiment pas d'autres. Et je crois qu'il était de 2015, un truc comme ça, je ne sais plus exactement, mais c'est vraiment... Il faut le retrouver dans un biblio, mais c'est vraiment récent. Et tout ça, donc c'est des trucs étranges dans la réalité, du coup. Et dans Alice au Pays des Merveilles, il y a des trucs étranges, imaginaires. Donc je vais vous poser la question, si vous deviez être un animal objet imaginaire, ce serait quoi vous ? Moi j'en ai trouvé un. Je serais un ou une, je sais pas, chaloupe. J'aime bien le fait d'être un chat, j'aime bien le côté loupe, de scruter à la loupe, et puis une chaloupe c'est toujours utile en cas de problème. Voilà, j'ai réussi à trouver un jeu de mots, ouais. Moi j'avoue que j'ai pas cette inventivité du jeu de mots. pour faire facile, dans les créatures de Lewis Carroll, je pense que le borogove m'irait bien, cette espèce de serpillière un peu apathique, mais tout de même un oiseau, je pense que ça m'irait. Mais si on pense que les borogoves ressemblent un peu au cagou huppé, qui est un oiseau qui existe pour de vrai en Nouvelle-Calédonie, et qui fait le gros kéké, on peut pas dire ça autrement, qui se dresse sur ses ailes avec sa houppette épouriffée et qui va voir les autres cagous en mode de « Eh, t'as un problème ?» Je pense que ça serait moi. Voilà, ce côté un peu apathique 70% du temps, et puis des fois, on est très énervé par un truc, révolté, à s'énerver tout seul, toute plume dehors, voilà, ça serait moi. Du coup, moi, je vais en profiter pour faire une spéciale dédicace à ma belle-mère qui, elle, me parle souvent de chapin. Elle voudrait être un chapin. Voilà. Bisous, Alba, si tu écoutes cet épisode. Il arrivera a priori. Un chapin pain qui se mange, ou un chat sapin. Un chapin au chocolat, certainement pas un chat chocolatine, tu vois. Ça, c'est bien sûr. On a une question dans la chatroom avant de passer à la botanique. C'est, y a-t-il un intérêt évolutionniste à l'os clitoridien, ou c'est l'évolution qui s'est dit Osef ? Nous dit Nive. Eh ben, excellente question. Et je pense qu'on n'a pas la réponse, en fait. Parce que quelle est la fonction de cet os ? Parce que l'os pénien, on s'est dit que ça permettait de maintenir des accouplements plus longs, donc de faire en sorte que chez des animaux qui ont plusieurs partenaires, ça permettait plus ou moins au mâle de s'assurer d'une fécondation, etc. Mais l'os clitoridien, on n'en sait rien, je pense. Mais bon, après, voilà, si on veut faire un parallèle un peu brusque, quand on sait que les représentations du clitoris chez l'être humain dans les manuels de sciences naturelles est quand même très très récent, je pense que ouais, chez les autres espèces, ça n'a pas été encore trop fouillé. Mais j'espère sincèrement qu'il y a des gens sur le coup et qu'on en saura plus bientôt. Après, il y a, j'imagine, deux hypothèses assez faciles à mettre en place, difficile à tester par contre, mais il y en a une qui m'évoque tout de suite, par exemple le fait que nous on ait des tétons autant que les femmes, ça peut être tout simplement parce qu'il y a un plan de formation du baculum qui est conservé aussi nécessairement génétiquement chez les femelles et qui dans certains cas pourrait se déclencher et former une sorte de mini baculum dans le clitoris, puisque l'équivalent quand même le clitoris le clitoris a une même construction que la partie génitale masculine, en fait c'est plutôt même l'inverse. Et l'autre hypothèse, ça pourrait être de se défendre contre le baculum pour permettre d'avoir une sélection des mâles. Mais ça, je pense que vous l'évoquez aussi un petit peu en évoquant les cas de reproduction avec les canards, n'est-ce pas? On en parle dans la partie sur la Reine Rouge. Et merci de l'évoquer, parce que j'ai mis 40 minutes à trouver une publi mentionnant la taille d'un pénis de canard colvert. Ah bah 40 voilà, minutes alors. Pour trouver cette publi. Tout le monde parle des canards colverts qui violent allègrement leurs femelles dans les parcs. Là, ça commence d'ailleurs. Et par contre, pour la taille réelle du pénis, ça a été super dur à trouver. Quoi. Et donc révélation 13 cm à peu près. D'accord. Voilà. Donc proportionnellement, c'est pas mal. Ouais, c'est quand même pas mal, parce qu'ils font 50 cm, si je ne me trompe pas. Enfin, voilà. Par rapport à la taille de la bestiole, c'est pas le plus grand, mais quand même, c'est pas mal, quoi. Le plus grand, c'est l'Eris mature ornée, qui a un pénis de 42 cm, et la bestiole fait 40 cm en moyenne. Et en plus, c'est voilà. En tire-bouchon, bien entendu. Oui, c'est ça, c'est assez drôle. Orienté dans un sens, c'est le vagin de la femelle orienté dans l'autre sens. Et donc voilà, c'est cet aspect-là justement qui pourrait éventuellement expliquer le bobellum des morses. Est-ce que tu peux nous expliquer un tout petit peu pourquoi justement il y a cette orientation dans le mauvais sens, dans le mauvais sens, dans le sens inverse du pénis des canards? En fait, ce serait une adaptation pour éviter un peu les copulations forcées. Donc du coup, si la femelle n'est pas consentante, le pénis du mâle va avoir du mal à s'enfoncer. Et du coup, ça va limiter la fécondation. Et par contre, si la femelle est consentante, il y a des contractions musculaires qui vont vraiment assouplir le vagin et permettre au pénis de s'enfoncer. Donc comme ça, la femelle a quelque part le choix de qui va la féconder. Quoi. Donc on aurait un peu cette coévolution dans le conflit sexuel. Et voilà, ça permet un petit peu de sélectionner le mâle qui féconde, quoi. Il y avait une question de Nabucodonosor qui demandait à quoi sert finalement l'os pénien. C'était pas clair pour lui. Ben non, en tout cas de ce qu'on pense, parce qu'on le retrouve chez beaucoup d'espèces animales. Hein. C'est vrai que par exemple nos cousins primates en ont, pas l'être humain, mais les cousins d'à côté, chimpanzés par exemple, en ont. Il y a aussi, alors je ne veux pas dire de bêtises, tous les canidés, les autres pinnipèdes, hein, les otaries, etc. en ont également. Et l'idée, ce serait vraiment de maintenir un accouplement long. Donc vu que, bon, en plus, ça veut dire que ça évite tout coup de mou, donc voilà, le mâle en pleine action, ça peut durer très longtemps. Et ça peut verrouiller. D'ailleurs, je pense que c'est en partie à cause de l'os pénien chez les canidés qu'il y a ces fameuses postures inversées, enfin où ils sont, on a l'impression qu'ils sont fesse à fesse pendant l'action. Mais ces fameux accouplements, par exemple chez les chiens, où ils restent comme ça très longtemps. Et ça maximise. Bon, déjà, c'est un phénomène aussi de alors pareil, ça me vient en anglais, de garde de partenaire, je sais pas comment on peut dire ça, où on monopolise le partenaire. Donc ça, si on reste longtemps collé ensemble pendant un accouplement, ça évite par exemple que la femelle aille voir un autre mâle. Donc ça maximise les chances que le mâle qui s'accouple avec elle soit le père de ses rejetons par la suite. Donc il y a vraiment cette histoire de, ouais, de contact prolongé qui, voilà, qui a été favorisé avec cet os. Je sais pas si c'est plus clair comme ça. C'est plus visuel. Si, mais ça me pose tout de suite la question. Vous avez évoqué le fait qu'il y avait un lien entre cette question-là et un personnage, donc la Reine Rouge, dans Alice. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un tout petit peu de quoi il s'agirait ? Alors, oui, on ne pouvait pas faire un livre sur Alice sans parler de la Reine Rouge. Parce que la Reine Rouge, c'est une théorie qu'on utilise en biologie, qui a été utilisé par Van Valen en 1973 pour illustrer sa loi d'extinction des espèces. Alors, quel passage il a pris ? Il a pris le passage, on est dans le deuxième livre, on est dans De l'autre côté du miroir. À un moment donné, la reine rouge, donc là c'est la reine du jeu d'échecs, elle attrape Alice, elle lui dit « cours ». Et il faut courir, courir, courir, et elle court, et au bout d'un moment, Alice se rend compte que elles sont restées sur place. Et la reine lui dit « bah oui, parce que si tu veux aller quelque part ici, il faudrait courir au moins deux fois plus vite que ça ». Et donc, du coup, Van Valen voulait le montrer pour expliquer le fait que les espèces, elles coévoluent entre elles, elles ne sont pas dans un environnement qui est figé. Donc, du coup, eh ben, une espèce, en fait, évolue par rapport aux autres. Et s'il y en a une qui trouve, enfin voilà, s'il y a une nouveauté dans une des espèces, ben, ça va influencer toutes les espèces qui lui sont liées, quoi. Ce qu'on utilise beaucoup, c'est un peu le modèle proie-prédateur. Il faut imaginer que s'il y a un lapin qui se met à courir plus vite, ben, en fait, le prédateur qui le mange, ben, soit il court plus vite pour attraper le lapin, soit sinon, bah, il va changer de proie. Et voilà. Et donc, du coup, ces espèces vont évoluer l'une avec l'autre. Alors bon, je dis, il court plus vite, mais il décide pas. C'est pas le renard qui va décider, tiens, je vais courir plus vite. Enfin, c'est le renard qui court le plus vite qui va manger le lapin qui court le plus vite et avoir plus de bébés. Ou le renard qui va se dire, tiens, les myrtilles, c'est bon, en fait, et qui va manger ça et qui va survivre, qui va avoir plus de petits, et ce caractère va se transmettre dans la population. Voilà. Donc c'était important un peu de parler de ça, et on en parle beaucoup avec les parasites et les hôtes, le fait que les parasites sont très adaptés à des hôtes, et puis ça, la reine rouge expliquerait en partie le fait qu'on ait de la reproduction sexuée qui soit là, parce qu'en fait c'est pas très efficace d'avoir besoin de deux personnes pour faire une troisième. C'est plus simple de se cloner, ça va plus vite. Et du coup, le fait de pourquoi est-ce qu'on a autant d'espèces qui font de la reproduction sexuée et pas que du clonage, bah, y a plusieurs hypothèses, dont la reine rouge, en fait. Le fait de pouvoir s'adapter très... Enfin, d'avoir des nouvelles combinaisons, et du coup, le fait de résister mieux aux parasites, puisqu'ils sont adaptés au génotype des parents et peut-être pas des descendants, quoi. Voilà, pour résumer vite fait. Bah, c'était très bien et très très complet. Après, bien sûr, on invite tous les auditeurs à lire le livre pour prendre le temps justement d'avoir toutes ces informations-là. Et moi, je l'ai plus illustré en mode conflit sexuel, j'avoue, et plante pollinisateur aussi. D'accord, voilà, oui. Donc, et donc, ces fameux conflits sexuels seraient aussi un cas, donc un exemple de la reine rouge, c'est ça, enfin, de cette théorie des régions. Voilà, okay. La coévolution entre le mâle qui essaye de maximiser sa descendance, donc quitte à violer des femelles, et la femelle qui, du coup, va être sélectionnée pour éviter ce genre de choses. Donc, la compétition sexuelle dans le règne animal serait directement tirée de Lewis Carroll, incroyable. Ça, on ne le suspectait pas. Écoutez, je pense que là, ce qu'on peut faire, c'est quand même faire une petite transition sur la deuxième partie du livre, et notamment évoquer le premier chapitre de cette deuxième partie du livre, donc Tea Party au pays des merveilles. Donc, on l'a bien compris, au début, c'était trois chapitres, et maintenant, c'est devenu deux chapitres. Et là-dedans, il y a, dans ce premier chapitre, la folie de deux personnages emblématiques des romans de Carroll, le Chapelier fou et le Lièvre de Mars. Et pour ces deux personnages, il y aurait pourtant une explication rationnelle de leur folie, c'est ça ? Enfin, rationnel, je sais pas. En tout cas, ce serait tiré d'expressions qui étaient bien connues du temps de Lewis Carroll, qui étaient « mad as a hatter » et « mad as a march hare ». Donc, en fait, la première, c'était « fou comme un chapelier ». Donc, ça, ce serait issu. Alors, il y a plusieurs explications. L'une des explications, ce serait en fait que les chapeliers étaient complètement empoisonnés au mercure du temps de Lewis Carroll, parce qu'ils utilisaient le mercure pour feutrer les chapeaux. D'accord. Donc, du coup, voilà, pour créer du feutre, pour faire un chapeau, on pouvait utiliser du mercure. Ça permettait, quand on avait des poils de moins bonne qualité, on va dire, comme du lapin, de mieux les travailler, d'avoir un joli feutre qui, apparemment, était un peu teinté en orange. C'est pour ça que, dans le film de Tim Burton, Johnny Depp a les cheveux orange. Ce serait un petit peu, voilà, pour faire un clin d'œil à ça. Ça empoisonnait complètement les chapeliers, qui avaient plusieurs problèmes, des problèmes dentaires, ça leur colorait les doigts, et ça faisait aussi des changements de personnalité. Donc, du coup, c'est pour ça, ce serait une des hypothèses pour laquelle on disait fou comme un chapelier. Voilà, voilà pour le premier. Et pour le deuxième, alors c'est assez rigolo, c'est lié au comportement des lièvres en période de reproduction. On en revient toujours au sexe. les lièvres qui sont d'ordinaire très... Enfin, plutôt craintifs, plutôt nocturnes, qu'on a du mal à voir. Au printemps, on a l'impression qu'ils deviennent complètement fous. Donc là, ils se font des courses-poursuites. On les voit, en fait, ils se dressent sur les pattes arrière et ils font des matchs de boxe. Donc ça, c'est assez impressionnant. Donc du coup... Ils ont cette période de reproduction d'ailleurs s'appelle le bouquinage. Voilà. Parce qu'en quand fait, on bouquine. Voilà, ouais. C'est ça. C'est pas seulement lire un livre. Et en fait, elle dure plusieurs mois, mais elle a quand même un pic au printemps, d'où le fameux mois de mars, en fait. Fou comme un lièvre de mars. Et alors, ce qui est drôle, c'est que les chercheurs qui avaient regardé ça au début pensaient que c'était les mâles qui se battaient pour les faibles femelles. Et en fait, on s'est rendu compte que non, c'était les femelles elles se faisaient poursuivre par les mâles. Et au bout d'un moment, en fait, quand elles en ont vraiment marre, elles se retournent et puis elles se mettent à le frapper. A priori, c'est beaucoup, beaucoup de femelles, ces matchs de boxe, en mode ben, lâche-moi la grappe, là tu m'énerves, tu m'embêtes, je suis pas réceptive là tout de suite. Quoi. Ah, ben ça, c'est complètement dingue. Parce que alors, moi, typiquement, en bon scientifique mâle qui se respecte, je sais que j'ai partagé sur Twitter ou sur Facebook des gifs animés. D'ailleurs, je vous recommande d'aller regarder ces gifs animés, c'est complètement dingue. Donc, de lièvres qui se fracassent la tronche. Et moi, j'étais là, genre, bah, voilà, c'est deux mâles. De base, hein, tu vois, genre, je ne me pose même pas de questions. Genre, je ne vais même pas vérifier ou fact-checker. Genre, oui, bien sûr que ce sont deux mâles qui se foutent pour avoir accès aux femelles. Et donc, c'est complètement dingue. Est-ce que tu sais quand est-ce que ça a été justement débunké, ça ? Est-ce que c'est récent ou Je ne sais pas du tout. Dans l'article que j'ai trouvé, je ne me souviens plus. Je ne sais plus si c'était dit ou pas. C'est quand même plutôt récent parce qu'il y a encore des vieux articles où ils disaient que c'était que des mâles. Donc, j'ai fait plusieurs articles et c'était quand même dans les plus récents. Et par contre, je n'ai pas trouvé si c'était vraiment tout le temps mâle-femelle ou s'il pouvait y avoir juste mâle-mâle. Ça, c'était pas clair, vraiment, dans la littérature de ce que j'ai pu trouver. Bon, en tout cas, ça met en exergue ce que vous aviez expliqué avec cette histoire de baculum et de bobellum. C'est qu'il y a quand même un gros problème de la représentation féminine dans les sciences qui fait qu'il y a des réflexes d'interprétation qui sont encore tenaces, quoi. Ouais. Du coup, c'est vrai que c'est intéressant aussi. Et après, c'est tout à fait logique. Il y a énormément de parades où c'est les mâles qui coursent les femelles ou les femelles qui font courir les mâles. Enfin, on parlait des drosophiles. Chez la drosophile, c'est ça. Hein. Vous avez la femelle qui est plus grosse, qui court, et les mâles qui sont derrière, qui chantent en battant de l'aile aussi. C'est assez mignon. Et elle va les épuiser. Et tant qu'elle n'a pas décidé qu'ils pouvaient lui grimper dessus, la plupart du temps, ils ne montent pas. Quoi. Enfin, donc, on a quand même beaucoup d'espèces où voilà, on a des mâles qui poursuivent la femelle. Et là, donc ça paraît assez logique, quoi. Mais c'est vrai qu'on a encore trop dans la tête les boutins qui se battent. Enfin, voilà, les deux mâles qui vont se taper la tête là pour avoir accès aux femelles, quoi. Bon, ça change. Il y a une question de Nabucodonosor qui demande, d'un point de vue évolutionniste, pourquoi les humains n'ont pas d'os pénien alors que les chimpanzés en ont. Eh bien, c'est dans le livre. alors après, j'ai tout honteusement piqué à un blog que je cite qui parle de plusieurs hypothèses. En fait, on n'a pas la réponse, mais il y a deux hypothèses qui sont avancées et il y en a certaines qui expliquent que ça pourrait être un trait néoténique parce que le chimpanzé à l'état embryonnaire n'a pas de baculum. Est-ce que du coup l'être humain est une sorte de... C'est pas du tout correct ce que je dis d'un point de vue biologique et évolutif. Tu dois avoir les oreilles qui sifflent, Pierre. Mais du coup, peut-être que juste, ça a un caractère... Peut-être, voilà... explique ce que ça veut dire néoténique. Pardon. Donc, s'il y a un caractère... Alors pareil, je veux pas dire de bêtises. Juvénile, qu'un animal adulte va conserver. L'exemple le plus... Tu m'arrêtes si je dis des bêtises. Hein. Le plus connu, c'est par exemple l'axolote qui garde ses branchies à l'âge adulte, alors que les salamandres d'autres espèces ne l'ont que quand elles sont petites et quand elles deviennent adultes, elles les perdent. Est-ce que voilà, ce caractère du baculum qui absent qui est chez les chimpanzés au stade embryonnaire serait resté tel quel chez les êtres humains? Bon. Il y a aussi des gens qui expliquent ce qu'on racontait tout à l'heure, que vu que chez l'être humain, la compétition pour les partenaires sexuels a chuté, contrairement aux chimpanzés, il n'y avait plus besoin de maintenir ces longs accouplements, donc du coup, le baculum a disparu. Plein d'idées. On n'en sait pas encore quelle est la bonne, mais voilà, ce sont plusieurs hypothèses qui ont été avancées. Sachant que l'un n'exclut pas l'autre, en fait, c'est que on peut avoir une raison néoténique à lier à cette explication de compétition moins importante entre les mâles, quoi. Alors donc Blue Phoenix dit non, l'axologue tresse au stade larvaire, mais on peut le faire passer sous forme adulte et là il perd ses branchies. C'est pas totalement exact, c'est véritablement un cas de néoténie parce que il ne reste pas au stade larvaire. S'il restait au stade larvaire, il serait pas capable de se reproduire. Il garde des caractéristiques larvaires tout en acquérant une capacité typiquement adulte de se reproduire. Et c'est vraiment comme ça qu'on définit l'âge adulte, c'est l'âge où on est capable de se reproduire. Donc il y a bien de la néoténie chez l'axolote, même si, en effet, il y a une métamorphose qu'on est capable de faire avoir à ces pauvres petites bestioles, ce qu'il ne faut pas faire. Et là, pour le coup, c'est un très vestigial, la capacité à se métamorphoser. Mais la néoténie est bel et bien là, puisqu'ils sont capables de se reproduire en étant de forme larvée, on va dire. Alors, moi j'ai eu le plaisir de découvrir que vous évoquiez dans cette partie, la deuxième, un trouble qui affecte au moins deux membres de Podcast Science, Alexa et moi-même. Tout à fait. Les migraines ophtalmiques. D'ailleurs, on en parlait. Ouais. On en parlait récemment avec Alexa et on se partageait des infos pour savoir. Et toi, à quoi ressemblent les symptômes de cette migraine ophtalmique? Moi, personnellement, quand je me trouve atteint de ces migraines, j'ai des visions, des sortes d'hallucinations. Ma vue est troublée par des auras. Et vous avez trouver un lien qu'il y a entre ces types de migraines ophtalmiques et Lewis Carroll. Et d'ailleurs, on ne voit pas la même chose avec Pierre. C'est ça qui est drôle. Pierre, il a des couleurs et moi pas. C'est dégueulasse. Oui, enfin, c'est pas une bonne nouvelle parce qu'après, je déguste, hein, de toute façon. Ouais, moi aussi. ouais, moi, j'en ai aussi des migraines ophtalmiques avec aura et j'ai aussi des couleurs. C'est des halos très, très brillants avec plein de couleurs. C'est assez spécial. Oui, en fait, Lewis Carroll avait des migraines avec aura. Il a été voir un ophtalmologiste, il a noté dans ses carnets, donc il avait ce problème-là. Et on pense que peut-être certaines transformations d'Alice se seraient liées justement à ce qu'on peut ressentir quand on a des migraines, ou des fois on a des distorsions de la réalité, on a l'impression qu'il y a des objets qui sont très très loin ou très très près, etc. Et justement, pour caractériser ce type de problème, donc là, c'est un peu différent de ce qu'on peut avoir devant les yeux, qui brille ou des choses comme ça. C'est un psychanalyste qui s'appelle John Todd en 1955 qui a nommé le syndrome d'Alice au pays des merveilles. Donc justement, quand on a au cours de la phase migraineuse, on a des distorsions de la taille des objets. Voilà, c'est ça. C'est vraiment lié d'après Alice en fait. C'est tellement populaire Alice, on se rend pas compte nous en France, mais dans les pays anglo-saxons, c'est tellement populaire que c'est très très utilisé. Mmh. Donc voilà, donc il l'avait utilisé pour caractériser ça. Après, ce dont souffrait exactement Lewis Carroll, je sais pas exactement. Il faudrait peut-être, je sais pas si c'est écrit dans ses carnets ou pas. Il faudrait vraiment les lire. Les éplucher. Ouais, ouais c'est ça. Après, après une migraine, est-ce qu'on a envie de raconter ce qui s'est passé? Je sais pas. On est peut-être soulagé de plus avoir mal à la tête. Bon, en tout cas, je suis contente de retrouver ma vie, quoi. Et vous avez d'ailleurs, dans cette partie-là, vous en avez profité pour parler de substances psychotropes et hallucinogènes. Est-ce que vous pouvez nous dire un tout petit peu? J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui avait une remarque justement sur cette partie. C'est toi, Léa? Pardon, j'étais en train de faire autre chose. Tu peux répéter? Est-ce que c'est toi qui a qui fait référence à la zoopharmacognosie? Oui, tout à fait. Donc maintenant, il y a une discipline, je crois pas que vous le mentionniez comme ça dans le texte, mais il y a une discipline qui s'est créée il y a quelques années, là, où des éthologues vont observer le comportement des animaux, quelles plantes ils choisissent dans la nature pour se soigner, et donc ça s'appelle la zoopharmacognosie, donc zoo-animal et pharmacognosie, qui est l'étude des substances médicinales d'origine naturelle, et c'est vraiment une rencontre entre la botanique et l'éthologie, donc c'est super intéressant. D'ailleurs, moi, je conseille, j'ai lu un bouquin là-dessus pour écrire ce passage. Vous m'entendez ? Non, pardon, oui. Ah non, c'était pas avant, d'accord. Okay. C'est pour Elia. D'accord. En fait, c'est un livre, je pourrais redonner, il est dans la bibliothèque de deux auteurs qui s'appellent Jost et Jost C. Ça s'appelle « L'automédication chez les animaux dans la nature et ce que nous pourrions encore apprendre d'eux ». Qui a été édité aux éditions Connaissance et Savoir en 2015. Il est vraiment super. Je le conseille absolument, justement, qui parle de tout ce que les animaux peuvent utiliser dans la nature pour se soigner. Est-ce que c'est dans ce livre qu'il y a l'anecdote à propos des rennes et des aménotiques ? Oui, c'est ça ? Oui, c'est ça. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Il y a tout l'usage de drogue, il y a tout l'usage de stupéfiants, d'alcool par les animaux aussi, et de drogue parce qu'il y a des choses qu'on a... des plantes que l'être humain a découvertes, c'est documenté, par exemple l'iboga, ce serait lié à l'observation de sangliers qui mangeaient les racines. Et nous, on parle de la manite tumouche parce que c'est rigolo. Donc, en fait, c'est au moment où on s'est dit, la chenille, elle est sur un champignon, Alice va le consommer, elle va grandir, elle va rétrécir. Est-ce que ça existe dans la nature, quelque chose qui fait pareil ? Alors, exactement pareil, c'est compliqué. Mais du coup, en regardant les effets des différents champignons, on a la manite tumouche qui peut provoquer des distorsions un peu des distances et donc avoir cette sensation d'être très grand ou très petit. Et alors, ce qui est très drôle avec la manite tumouche, c'est qu'elle est assez utilisée en Sibérie, notamment par des chamans, pour provoquer des visions, rentrer en transe. Elle est aussi utilisée de manière récréative, parce qu'on a des écrits du XVIIe ou XVIIIe siècle, je ne me souviens plus, qui parlent justement de personnes qui l'utilisaient pour un côté un peu plus récréatif et moins religieux que les chamans. Et alors dedans, il y a un composé, c'est l'acide ibotenique, qui n'est dégradé qu'à 80% par le corps, et qui, donc 80% de l'acide ibotenique, part dans les urines. Et du coup, les gens qui ne pouvaient pas acheter de champignons, aller recueillir l'urine de ceux qui avaient pu le manger et le buvaient pour être complètement pour avoir des visions, on va dire, pour être bien. Tellement dégueulasse. Et alors là c'est là où c'est drôle, c'est que donc les rennes, les animaux qui vivent là-bas font pareil, c'est-à-dire qu'ils vont consommer le champignon en prenant des petites parties, donc c'est pas alimentaire, c'est vraiment pour l'effet. Alors qu'est-ce qu'ils ressentent, ça je ne sais pas. Il faudrait être dans la tête d'un renne pour le savoir. En tout cas, ils ont l'air désorientés de ce que les chercheurs ont vu. Et en fait, d'autres rennes qui n'ont pas consommé le champignon vont aller essayer de lécher l'urine des congénères qui l'ont mangé. Donc ça, c'est quand même assez drôle d'avoir ce parallèle entre ce que font les animaux humains que nous sommes et les autres animaux, quoi. On va en profiter pour faire quand même une petite mise en garde. Ne consommez pas de champignons comme les aménites tumouches. C'est pas une très très bonne idée. Vous pourriez en mourir et ce serait un petit peu dommage. De toute manière, toutes ces plantes-là, psychotropes, c'est assez à la mode des chamans, etc. Il faut le faire de manière encadrée. Faut pas faire ça n'importe comment. On a eu des problèmes avec le datura, par exemple. C'était très très à la mode de consommer du datura, ça pousse partout, mais c'est pareil, il y a plein de gens qui sont finis à l'hôpital parce que on a perdu les dosages, etc. Donc il faut le faire de manière très très encadrée. Et là, dans le livre, on parle de beaucoup de choses qu'on peut trouver dans la nature, mais bon, éviter de le faire parce qu'on ne connaît pas les dosages. Oui, éviter de boire du pipi, quoi, bordel. Il n'y a pas que l'acide ibotenique qui passe aussi, il y a des bactéries, d'autres trucs assez sympas, c'est peut-être pas fou. Ben, je sais pas, a priori c'est stérile, non, l'urine, c'est ce qu'on raconte là directement. Mais... Ouais, je vais pas tester, moi. J'avoue, on disait que le liquide amniotique c'était stérile jusqu'à ce qu'on le teste et en fait ça l'est pas. Donc, ouais, j'imagine oui, que l'urine en non fait, plus. C'est pas le cas non plus pour l'urine, mais. C'est pas des méchantes bactéries. Oui, mais c'est pas la peine de les boire. Hein. Je répète, obligé, arrêtez quoi. De boire votre pipi, là, c'est pas possible. Autant prendre une bonne tasse de thé. Oh, quelle belle transition, ouais. Clara, bien joué. Parce que du coup, il y a un chapitre entier du livre, donc il est dit au thé. Et on y apprend notamment donc, que bien d'originaire de Chine, il est arrivé en Europe au XVIIIe siècle, et ses secrets sont percés par un certain Robert Fortune, un botaniste britannique, qui est envoyé discrètement en Chine afin de percer les secrets du thé. Alors, pour redonner le contexte, à l'époque coloniale, les Anglais achetaient leur thé chez les Chinois, mais ça devenait trop cher et ils voulaient en faire eux-mêmes. Donc ils ont envoyé un certain botaniste espion, Robert Fortune, pour percer les secrets du thé. Alors moi, je me suis dit, attends, il y a un film qui existe-tu ? Est-ce que c'est James Bond ? Ou est-ce qu'on pourra savoir plus ? Ouais, mais c'est dommage. Alors, il n'y a pas de film qui existe sur Robert Fortune. Il y a des documentaires. J'ai trouvé un documentaire sur Arte. Qui s'appelle « Les aventures de Robert Fortune ou comment le thé fut volé aux Chinois ». Après, il y a les livres que lui a écrits pour raconter son voyage. C'est vraiment fou. Il a eu de la chance. Je pense qu'il n'a pas dû être le seul à l'avoir fait, mais en tout cas, il doit être le seul qui ait survécu à ça. Parce que là, il a été envoyé en Chine après la première guerre de l'opium. Alors, c'est pas joli, joli l'histoire du thé. Donc, c'est les Chinois qui avaient le monopole, qui ont gardé le secret. Le Japon avait fermé ses frontières. Et les Chinois demandaient aux Anglais de payer avec de la monnaie d'argent. Et au bout d'un moment, pour les Anglais, la monnaie d'argent, c'était compliqué à avoir. Donc en fait, ce qu'ils ont fait, c'était qu'ils ont cultivé de l'opium dans leur colonie en Inde et ils ont inondé le marché chinois avec de l'opium. Comme ça, ils pouvaient faire du libre-échange entre une caisse d'opium, une caisse de thé, etc. Donc ça a donné la première guerre de l'opium que les Anglais ont gagnée. D'ailleurs, c'est comme ça qu'ils ont eu Hong Kong. C'est horrible. Vraiment, on suspecte pas. J'invite tout le monde à regarder. Moi, j'ai visité Hong Kong il y a pas longtemps, et dans les musées, ils expliquent comment ça se passe. Et j'étais, estomaqué quoi par la barbarie en fait de l'Angleterre à ces moments-là. Ils forçaient les frontières pour vendre leur opium. C'était vraiment un truc de malade. Je referme la parenthèse. C'est ça, juste pour du thé en fait. Enfin, c'est vraiment fou. Les Anglais étaient accros au thé à un point qu'on a du mal à imaginer maintenant. Et ils ont réussi à avoir l'ouverture de ports, mais les étrangers n'avaient pas le droit de s'aventurer au-delà des ports. Et du coup, pour percer les secrets du thé, Robert Fortune s'est déguisé avec les habits de l'époque, et vous savez, la tonsure et la natte, là. Comme de toute façon, il y avait très peu d'étrangers, en fait, une fois dans les terres, il se faisait passer, son guide le faisait passer pour un Chinois qui vivait au-delà de la muraille, etc. Donc, c'est pour ça qu'il était un peu bizarre, il ne parlait pas la langue, etc. Et comme ça, il a réussi à infiltrer, il est allé voir les plantations de thé, il a compris ce qu'était la plante, il a réussi à en ramener, et il a aussi réussi à ramener la manière de transformer le thé. Parce qu'ils avaient trouvé des théiers sauvages en Inde, mais comme ils ne savaient pas comment le transformer, ils faisaient un truc qui n'était pas très bon. Et c'est fou, parce qu'en fait, il aurait pu se faire vendre par ses serviteurs, il aurait pu se faire tuer, il aurait pu... Mais il y est arrivé. Il a ramené le thé, il a ramené les procédés de fabrication, il a ramené des gens qui savaient transformer le thé. Faire toute la transformation pour de la plante du camélia avoir du thé. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi à en planter en Inde. Et du coup, à casser le monopole chinois. Quoi. Mais c'est un des premiers espionnages industriels documentés de l'histoire. Incroyable. J'ai l'impression que notre botaniste préféré a quelques petites remarques à nous soumettre. Oui, c'est rigolo parce que du coup, Katia Astafiev, qui est directrice adjointe du Jardin botanique de Nancy, était venue à l'émission radio-dessinée « Les plantes ne comptent pas pour des prunes », l'épisode 376, et elle en parle dans son livre « L'aventure extraordinaire des plantes voyageuses ». Il y a tout un chapitre sur Robert Fortune qui raconte par le détail toutes ses grandes aventures. D'ailleurs, c'est rigolo parce que dans le chapitre dédié à Robert Fortune, elle fait référence à Alice au Pays des Merveilles. on ne peut pas y échapper. Et du coup, précision complémentaire, donc j'ai cru comprendre quand même que les Anglais avaient déjà demandé à la Chine de leur donner des théiers et qu'ils leur avaient envoyé des camélias, donc qui sont du même genre et de la même famille, mais qui ne servent pas à faire du thé. Les Chinois les ont dupés plusieurs fois, et au passage, Robert Fortune aurait découvert, en faisant son espionnage industriel très, très dangereux, que les Chinois exportaient déjà de la poussière de thé, quoi, pas des vraies feuilles, donc des résidus de thé qu'ils n'appréciaient pas eux-mêmes, et que pour faire du faux thé vert, ils les recoloraient avec des produits chimiques, pour faire passer du thé noir de mauvaise qualité pour du thé vert. Donc ils empoisonnaient les Anglais à distance en même temps. Donc, c'est complètement rocambolesque cette histoire. Je vous invite à lire des trucs sur Robert Fortune. C'était quand même un personnage. Et voilà. Et il a trouvé des plantes aussi, des fleurs et d'autres plantes, ben, comme les kumquats d'ailleurs, qui s'appellent Fortunae ou Fortunea, je sais plus. Oui, Fortunea, c'est ouais. Ça. Ouais. Et il a ramené le jasmin, il a ramené les chrysanthèmes qui fleurissent à la Toussaint maintenant chez nous. Donc merci Robert Fortune. Et pour l'anecdote sur le camélia, ce qui est rigolo, c'est qu'ils leur ont donné un camélia japonica. Alors bon, l'erreur était intentionnelle ou pas, on sait pas trop. Mais en tout cas, les Anglais se sont pris de passion pour ces fleurs. Et toute l'Europe s'est pris de passion pour ces fleurs au 19e siècle. Et si bien que ça a donné par exemple la Dame aux camélias d'Alexandre Dumas fils, vous l'avez peut-être lu. Et très très célèbre à l'époque parce qu'en fait les camélias elles sentent pas. Alors c'est rigolo, vers le muséum on a des camélias qui sont en fleurs en ce moment et tous les gens s'arrêtent parce que c'est des grosses fleurs, ils ont envie de les sentir, il n'y a pas de parfum de camélia. Du coup au 19e siècle ils les aimaient bien parce que ça donnait pas mal à la tête, etc. Et on disait que la Dame aux camélias c'est basé sur la vie de Marie Duplessis et on disait qu'elle avait un camélia blanc à la poitrine, sauf quelques jours par mois où elle était indisponible, donc elle se mettait un rouge pour signifier que là c'était pas le moment. Et le roman eut tellement de succès que l'orthographe du mot camélia, d'ailleurs, qui s'écrit normalement avec deux L, est passé à un seul L, parce qu'Alexandre Dumas l'avait orthographié avec un seul L. Et maintenant, vous pouvez utiliser les deux. J'ai cherché, les deux, ça marche. Voilà. Incroyable. Pour la petite histoire, il y a plein de choses à dire sur les plantes, en fait. C'est vraiment chouette. Je suis d'accord. Tiens, tiens, c'est bizarre, ça. Et ce qui est extraordinaire et que malheureusement on ne peut pas reproduire dans les pages, c'est que lors de la conférence, Anne-Cécile avait ramené des échantillons de tous les types de thé, les thés verts, les thés noirs, les thés rouges, les thés blancs, et on les a tous fait déguster aux gens qui étaient là le récafé, et c'était un petit peu la fête. Et on avait du thé jaune aussi qu'on a plus de mal à trouver en France. Voilà. J'avais vraiment cherché toutes les couleurs du thé qu'on pouvait avoir. Et on avait fait... C'était un peu compliqué. Heureusement, mon mari était là. Je tiens à le remercier. Il était là en coulisses à faire chauffer l'eau à la bonne température aussi, hein, pour pouvoir le déguster comme il fallait, etc. C'était... Bon, on s'était bien amusés. Bah, c'est cool. D'ailleurs, est-ce que vous allez en refaire des soirées désenchantées maintenant que le récafé est réouvert? Alors, Arnold m'a déjà dit, bon, alors, il faut qu'on se cale une date. Donc, je pense qu'on en fera une qui sera pas inédite, mais qui sera une adaptation d'Alice, pour parler un petit peu aussi de choses qu'on n'avait pas traitées dans la conférence qui est très tournée sur le Disney. Donc je pense qu'on fera, quand on trouvera un créneau prochainement, un Alice à l'Heure et Café. Est-ce qu'on aura le temps d'en faire une inédite sur un autre sujet? Pourquoi pas le livre de la jungle pour se chauffer avant un livre, peut-être, hein. Ça, il faut juste trouver une date qui va bien à tout le monde. À propos de ce livre, hein, puisque là on a fait un petit peu le tour, et puis surtout ce serait un petit peu dommage de tout déflorer alors qu'il y a tellement de choses à lire et découvrir dans le livre, ce serait un petit peu dommage. Moi, ce que j'ai trouvé de pas mal original, c'est que vous finissez avec une playlist audio en fin de bouquin. Qui a eu cette idée? Est-ce que c'est parce que vous l'utilisiez pendant la rédaction? Comment ça s'est passé, ça, d'insérer une playlist audio dans la fin du livre? La playlist audio, je crois que c'est un peu né de nos conversations. Je me souviens qu'on a fait un Skype avec notre éditrice c'est toi, Anne-Cécile, qui m'avait parlé de la Lobster Quadri de Franz Ferdinand, que tu l'écoutais beaucoup. Moi, j'avoue, j'ai vu fleurir ces histoires de playlists dans des livres de fiction. Par exemple, pendant le confinement de 2020, qui était avant le début de la rédaction du bouquin, j'ai lu plusieurs romans de Clémentine Beauvais. Et elle aime bien faire ça, mettre des playlists un peu thématiques en début d'ouvrage en lien avec ses romans. Alors moi, j'écoute jamais, parce qu'en fait, si j'écoute des chansons avec des paroles alors que je lis, je n'arrive plus à me concentrer sur ce que je lis. Donc je n'ai pas du tout eu de musique avec des paroles pendant l'écriture. Mais j'ai trouvé que c'était aussi une sorte d'exploration. On parlait du porno musical, et pour la musique, j'ai fait pareil. Je me suis dit, allez, on va chercher des chansons. Alors il y en a certaines qui sont issus indirectement, par exemple Almost Alice, c'est vraiment ça, c'est Anne-Cécile qui me l'a présenté, celui-là. C'était vraiment un album pop où il y a des groupes qui ont réinterprété des chansons au moment de la sortie du film de Tim Burton, le premier. Et puis en fait, moi je me suis vraiment amusée, parce qu'il y en a, c'est pas facile non plus, hein. Par exemple celle qu'on cite dans l'introduction, là, le Come Around Me No More, là, ça parle pas du tout d'Alice les paroles, hein. C'est une chanson de rupture tout à fait banale, mais le clip Et full Alice, full dérangeant. Il y a des gens qui mangent d'autres en forme de gâteau. Enfin, c'est n'importe quoi. Donc, c'était rigolo. Et ouais, j'ai découvert aussi des chansons psychédéliques des années 70, très très drôles. Donc, c'était une sorte un peu de documentation de se dire aussi dans la musique. Qu'est-ce qui a découlé c'est une sorte d'autre pan de la pop culture en final. Moi du coup je l'ai pas écouté, je sais pas ce qu'il en est pour toi Anne-Cécile, si t'as un peu écouté pendant la rédaction. Oui, moi j'ai beaucoup écouté, en fait je connaissais Welcome to Mystery de Plain White Tea, si je le prononce bien, que j'aimais beaucoup quand c'est sorti. Après je suis partie sur le Lobster Quadrille que j'ai beaucoup beaucoup écouté aussi pendant la rédaction. Je sais pas, c'était pour se mettre dans le bain, on va dire, voilà. Après aussi il a fallu parler quand même de la musique de Jefferson Airplane, le White Rabbit, qui est quand même vraiment lié à tout ce mouvement psychédélique autour d'Alice au Pays des Merveilles, le fait de suivre le lapin, de tomber dans le terrier du lapin blanc, qui en fait de consommer des drogues, voilà, toutes ces métaphores qu'utilise Alice pour parler du fait de consommer des drogues. Enfin, il fallait qu'on en parle quand j'ai traité le chapitre sur les plantes psychotropes. Donc voilà, du coup, ça tombait sous le sens. Et en fait, ouais, on en a discuté avec l'éditrice et on a fait cette playlist comme ça. On s'est dit que c'était sympa, si les gens avaient envie d'écouter. Il y a plein de styles différents en plus, c'est ça qui est chouette. Enfin, c'est vraiment des chansons, il y a plein de styles, vraiment, ouais, de musique. Donc à mon avis, les gens trouveront d'ailleurs, leur bonheur. Quoi. D'ailleurs, il y a deux jours, en pleine procrastination, j'ai fait la playlist sur YouTube, faudrait que je vous la file. J'ai dans une longue playlist toutes les chansons, plus deux que j'avais pas voulu mettre au final, parce qu'il y en a une de Pink qui avait été faite pour la sortie du deuxième film de Tim Burton, mais où elle parle jamais d'Alice. Alors, on le sait quand on regarde le clip, et une autre de Lady Gaga, qui commence par « Bien que mon nom ne soit pas Alice, je cherche toujours le pays des merveilles ». C'est la seule référence, donc c'est vrai que je trouvais ça un peu léger pour le mettre dans le livre, mais je l'ai rajouté dans la playlist, je pourrais vous donner le lien pour le rajouter. Bah oui, fait péter, clairement. que disais-je, je pense qu'on arrive progressivement vers la fin de cette émission. Je pense que Eléa a encore une remarque à nous partager. Bah oui, c'est plutôt une remarque générale aussi sur le livre, donc je suis déjà vachement impressionnée par tout ce dont vous avez parlé, parce que vous abordez vraiment beaucoup de thèmes, hein, de l'histoire à l'étymologie, en passant par le comportement et tout ça, donc c'est quand même remarquable en termes de travail de recherche, donc j'encourage tout le monde à le lire, il est vachement intéressant et on apprend des trucs qu'on ne s'attendait pas à apprendre. Et un constat intéressant sur la fin, hein, vous avez eu une fin... un peu moral, un message final un peu moral, et vous dites que finalement on voit encore le monde comme Alice, c'est-à-dire que Alice dans ses aventures s'intéresse beaucoup aux animaux, enfin elle a certaines réactions qui sont un peu stéréotypées pour une personne qui vivrait à l'époque victorienne, enfin c'est caractéristique de son auteur, et comme les gens de son époque, elle accorde pas l'importance qu'on devrait à l'intégralité des êtres vivants dont vous parlez très bien dans le livre, et c'est voilà, beau message de fin, je tenais à vous féliciter. Je ne sais pas si vous voulez parler un peu de ça et de comment c'était important de remettre un peu cette dimension généraliste et ce message global à la fin du livre. Du coup, moi je dois dire, il faut aussi rendre à César ce qui est à César, c'est que j'ai vu une conférence, un festival qui s'appelle Play Azure il y a quelques années, quelqu'un qui parlait de la plant blindness, et ça m'a marqué en me disant que, en effet, j'avais beau moi me passionner pour les espèces animales, je fais pas souvent attention à tous les végétaux dont ils ont besoin pour vivre, et je pense que ça m'a un petit peu travaillé quand même, et maintenant je fais plus attention aux végétaux qui nous entourent, parce qu'ils sont aussi tout à fait fascinants, et je me suis fait la réflexion que oui, Anne-Cécile et moi je crois qu'on est à peu près sur le même niveau d'obsession pour les bestioles et le monde qui nous entoure, donc on est déjà un petit peu câblé pour, mais c'est vrai que quand on n'a pas forcément cette curiosité, cette l'habitude en fait de parce que c'est, je pense que c'est vraiment une question d'habitude. En fait, on ne fait pas attention à ce qui nous entoure jusqu'au jour où une fois on remarque quelque chose qui se passe et on se dit bah au final oui, il y a une multitude de choses même en pleine ville qui se passent sous notre nez. Et ouais, c'est un petit peu un sorte de, comment dire, un coucou à travers les pages de dire mais en fait il y a plein de trucs cool qui se passent, regardez, c'est juste là. Et en tout cas ouais, c'était un peu le message qu'on voulait faire passer. C'était compliqué de conclure le bouquin parce que il y avait en même temps ce côté un petit peu un petit peu dramatique de se dire oh là là, en ce moment notre monde c'est pas ouf, voilà, la chute de la biodiversité, mais en même temps on voulait pas non plus trop miner le moral des lecteurs, parce que nous aussi on était là en mode bon super, on vient de dire qu'il y a plein d'animaux fascinants, si on dit qu'ils sont tous en train de disparaître c'est quand même pas youpi la vie, essayer de au contraire se dire que rien n'était perdu finalement, et qu'il y a plein de choses extraordinaires, même en pleine ville, entre deux pavés et au pied du bitume, qui méritent qu'on s'y intéresse, quoi. Belle leçon. À ce propos, juste avant de clore cette émission, on a une question de Barenzia qui se demande à qui s'adresse le livre ? Est-ce que c'est des fans de science, des newbies, des enfants ? Alors, vu qu'on a parlé de baculum et de... j'ai déjà une réponse sur cet aspect-là. Pas tous les enfants, en tout cas. Mais donc voilà, à qui s'adresse le livre ? Moi, je dis comme ça, ils sauront, hein, même des enfants de 8 ans, voilà, s'ils savent ce que c'est un baculum. Bon. Je sais pas ce que t'en penses, Cécile. Moi, je dirais que... Moi, j'aimerais bien que ce soit pas que pour les gens qui aiment les sciences, des gens qui aiment Alice, ça pourrait être cool aussi, s'ils aiment le texte de littérature et que, justement, ils le voient sous une... que ce soit un peu prétexte pour apprendre des choses surprenantes. Ou s'ils l'aiment pas aussi. Oui, j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont dit « Ah non, je l'aime pas, enfin, ça me fait peur ». Et du coup, des amis qui ont dit « Bah, j'ai lu ton livre ». Puis du coup, j'ai regardé Alice. Bah, ça va mieux, en fait. Ça me plaît beaucoup plus. j'ai fait parmi ceux-là. Alice au Calimere, ça ne m'a jamais attiré. Et c'est après votre bouquin que j'ai regardé le dernier disque dessus. En tout cas, ça donne envie de le lire. Voilà. Avant de, peut-être de regarder le film, franchement, moi, tous les jeux de mots, je me suis dit « Ah, peut-être que je suis enfin mature, peut-être plus... Ouais, mieux câblé pour pouvoir apprécier la lecture de ce livre, quoi. Ouais, et le lire en anglais, si on peut aussi. Oui, j'imagine. C'est vraiment sympa de lire en anglais, quoi, pour avoir vraiment les jeux de mots voulus par l'auteur, on va dire, avec la sonorité aussi des mots voulus par l'auteur. Mais bon, c'est pas facile, hein. C'est pas facile. Et les traductions, c'est rigolo aussi de voir les différentes traductions. Ça peut être sympa si on a du temps à tuer. Il faut pas le tuer, d'ailleurs, dans Alice, mais... est-ce que le temps est une personne ? Voilà, on l'apprend en lisant le livre. Mais de voir les différentes traductions, c'est un exercice hyper difficile à traduire, quoi, ce bouquin. Après, notre livre en général, je pense, pour tous les gens qui sont curieux, comme Alice, ça peut être bien, voilà. Essayer, quoi, qu'on aime ou qu'on déteste le roman. Enfin, ouais, je sais pas, c'est un roman à la base. L'histoire à la base, ou si on est curieux de science, c'est toujours bien, quoi. En tout cas, pour ceux qui versent un tout petit peu dans les sciences, c'est pas parce que vous pensez que vous pourriez ne pas être surpris que vous n'allez pas l'être. Moi, vraiment, généralement, des livres de vulgarisation que je lis, je me dis, ouais, bon, allez, je vais peut-être en connaître 95%, il y aura peut-être 5% qui vont m'étonner. Et là, pratiquement à toutes les pages, j'étais là, oh, non. Et donc, je recommande. Voilà, c'est une très très bonne lecture. Et sur ces entrefaits, eh bien, je crois que vous nous avez choisi une citation en rapport justement avec le livre. Qui c'est que, entre vous deux, qui va vouloir nous la dire ? Oui, mais bien que tard. D'accord. D'accord. Eh bien, du coup, nous avons choisi une citation que l'on a utilisée de manière un peu tronquée au début de la partie sur le bestiaire. Et qui est un extrait du deuxième livre de l'autre côté du miroir, que je vais donc vous lire, je me prépare, allons-y. « Eh bien, maintenant que nous nous sommes vus une bonne fois l'une l'autre, dit la licorne, si vous croyez en mon existence, je croirai en la vôtre. Marché conclu ?» Très bien. Et pourquoi ? Eh bien, moi je trouve qu'elle résume assez bien le côté bizarre d'Alice. Elle discute avec une licorne, et c'est tout à fait normal. La licorne, moi je trouve ça rigolo de se dire que c'est un animal imaginaire qui rencontre un être humain et qui dit bah ok, t'as jamais vu de licorne, tu penses que ça existe pas, mais moi j'ai jamais vu d'être humain, donc en quoi est-ce que tu serais plus valable que moi dans la valeur de l'existence ? Et ouais, il y a un petit côté absurde, une sorte de retournement de situation, de parti pris que je trouve rigolo. Enfin, moi j'aime beaucoup cette citation-là. En tout cas, ça nous fera réfléchir jusqu'à la semaine prochaine, ce qui m'amène à la conclusion de l'émission. Ah bah, déjà, je voudrais vous remercier, Agatha et Cécile, c'était merveilleux de vous avoir avec nous. Bah, merci à vous pour l'invitation, c'était top, comme à chaque fois. Merci beaucoup. Et donc, une fois que nous avons remercié nos invités d'avoir partagé avec nous autant de merveilles et de curiosités tirées parfois du monde imaginaire, mais surtout du monde naturel et scientifique, nous vous recommandons bien entendu de poursuivre cette brève introduction au pays merveilleux des sciences d'Alice en achetant et en lisant le livre d'Anne-Cécile et Agatha. Et pour notre part, après avoir traversé le miroir, nous ne pouvons qu'attendre le prochain épisode en vous rappelant que servir la science soit votre joie. Thank you.